Allô, quoi? Allô? Allô, nouveau numéro de Impact Dresseuse, messieurs. Allô? Non, mais sans déconner. Allô? Salut, Vince. Juste tu sors. Oh, allô? Non, il n'y a pas de réseau. Allô? M'en fous, ce sera coupé. Non. Salut, Sébastien. Salut, Gus. Salut, Brusty. Oui, salut Nabila, salut tout le monde, oui. Ouais, ce soir c'est tension en Nantes. Hein. ouais, non, abuse pas, s'il te plaît. Bon, Gussina, d'accord, ok. Eh bien, oui, je suis de retour dans Impact Dressage. Ça fait peut-être un an que je suis pas venu dans ce fabuleux podcast TNA que mène Vincent quand je ne suis pas là. Merci Jeff Vincent Hardy de. tremble. Oui, Jeff Hardy tremble. Ah oui, vous le savez. Merci Vincent d'être l'animateur de ce podcast quand je ne suis pas là. Mais là, ce soir, j'ai eu envie de venir parce que j'ai vu Lockdown pour une fois. C'est très très rare. Et je vais troller sur Jeff Hardy, messieurs, vous le savez. Et bien évidemment, nous parlerons donc de Lockdown 2013. Et Sébastien nous parlera de Impact qui a eu lieu donc hier. Donc, vu que nous, on enregistre vendredi, voilà, vous le savez. Qui a donc eu lieu hier, enfin cette nuit, pour la TNA pour la première fois sur la route, il me semble, Sébastien. Ouais, c'est ça, c'est le premier show de Impact sur la route qui aura lieu de manière permanente à l'avenir. D'accord. Bah écoutez, messieurs, je pense qu'on va pouvoir passer donc de suite à la review de Lockdown. On va demander à Mister Vincent, qui va faire le montage, je crois, ou c'est vous aussi, de lancer un petit jingle et c'est parti pour l'intro. Enfin, pour le début de la revue de Lockdown, messieurs. Allez, c'est parti. Jingle. Et c'est parti donc pour la revue de Lockdown, premier match de ce pay-per-view donc qui a eu lieu à San Antonio, au Texas. Donc messieurs, sa premier combat de cette soirée, c'était donc pour le titre pour la X Division. Ça a duré 11 minutes et 7 secondes et Kenny King a battu Christian York et Zima Ayon sans grande surprise pour ma part. Parole à Sébastien. Déjà, est-ce que je me demande déjà, est-ce que tu sais qui est Christian York? C'est la première fois que tu l'as vu, non? Ouais, oui, c'est oui, c'est oui, c'est la première fois que je le vois, oui. Je ne sais pas qui c'est. Effectivement, je vais regarder ça de suite. C'est pas celui qui avait fait de la télé-réalité, une connerie comme ça, là. Pas du tout. Non, non, pas du Ah, tout. raté. C'était le gagnant d'un gut check, en fait. D'un gut check. Ah, ok. Qu'est-ce qu'un gut check, c'est ça? Qu'est-ce qu'un gut check? Bon, On va ben. passer parce que. Vas-y, dis-moi. Bravo, Trahi patron. parce qu'on n'arrête pas de parler du gut check à chaque podcast en plus. Ah! Qu'est-ce qu'un gut check? Bon, en gros, il faut. Ceux qui ne savent pas. En gros, c'est un match d'essai entre deux catcheurs qui sont pas sous contrat avec la TNA. Et Ah, mais oui, après, il y a d'accord. trois juges, un peu comme une émission The Voice. Et puis, ils choisissent un des deux. Puis après, ils font un vote oui et non. S'il y a la majorité de oui, il est engagé par la TNA. C'est ce qu'ils avaient fait aussi l'année dernière, il y a 2 ans, quand Austin avait remporté un match, non? Non, là Austin. c'était pas pareil, là c'était un petit tournoi avec un contrat à la clé si tu gagnais. Là c'est juste, c'est pas, peu importe que tu gagnes ou que tu perdes le match d'essai, c'est si tu impressionnes les trois juges. Et les trois juges, ils se retournent aussi à chaque fois? Non. Ah merde, dommage. Et Christian York, c'est l'un des seuls à avoir vraiment catché la TNA avec Joey Ryan. Les autres sont plus partis à l'OVW s'entraîner. D'accord. Bah c'est bien pour lui. Écoutez, je rappelle que le match a duré 11 minutes et 7 secondes et que Kenny King a remporté ce combat. Sans grande surprise, donc Sébastien, tu peux y aller. Donc c'est un match déjà qui a bénéficié d'aucune seconde de préparation préalable. Donc le match a été placé là vraiment au dernier moment. Donc déjà voir ce genre de choses pour un pay-per-view comme Lockdown, moi ça me dépasse clairement. Surtout qu'il y avait 2 mois de préparation, je le rappelle, pour ce show. Et donc tu as largement le temps de construire une rivalité, mais non, là pas du tout. Ensuite, sinon le match, moi je trouvais qu'il était. Il était correct, mais il souffre beaucoup du fait qu'il y a eu pas mal de botches en fait. Donc ça a contribué à rendre le match moins agréable. La foule était dedans, donc c'est un petit peu le principe de la division en fait, hein, c'est de chauffer la foule. Et donc de ce point de vue-là, je pense que c'est plutôt réussi, victoire logique de Kenny King sinon. Oui. Alors, le prochain qui tue ma crédibilité dans le podcast et sera tout simplement viré. Voilà, à toi Vincent. J'ai envie de dire en même temps c'est facile. Fais gaffe à ce que tu dis. Tu peux y aller. Que dire de ce match? Christian York est un niveau en dessous des deux autres. Quoique en fait les Kenny King et York sont en dessous de Ion, qui est le seul à vraiment réussir le match. Après c'est dur de faire un bon match puisqu'il n'y a aucune visibilité comme l'a dit Sébastien. Après c'est plus un enchaînement de spots qu'autre chose. Moi ça me dérange pas, le problème c'est que c'est pas toujours réussi. Exemple avec Kenny King qui essaye de faire un mouvement à l'extérieur et qui se plante complètement et qui a failli se tuer en chutant la tête la première sur la barricade. Enfin là c'est pas barricade en plus version WWE, c'est plus des barrières de sécurité que vous pouvez trouver dans votre mairie. Et après que dire de ce match, Kenny King a remporté contre Rome Grandam d'une façon qui m'a pas trop plu parce que j'ai trouvé ça un petit peu trop facile. D'ailleurs, Rob Van Damme n'est plus sous contrat avec la TNA. On a su ça cet après-midi. Et sinon, c'est ce que j'ai à dire sur le match. Enfin, c'est un bon match sans. Enfin bon, il est correct quoi. C'est bien pour démarrer, mais après, c'est pas exceptionnel. Je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, j'étais pas vraiment dans le match quand j'ai regardé le quand je regardais le pay-per-view en live, en fait, parce que j'étais tout simplement en train de préparer un petit truc pour un partenaire qui est la OL, tout simplement. Donc, du coup, j'ai pas trop regardé ce combat-là. Je dois avouer que je m'en foutais un petit peu et que en fait, j'ai regardé tout le reste du pay-per-view sur ce combat. Donc, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Mais c'est limite en plus l'un des meilleurs matchs quoi. Enfin, peut-être le troisième, Oui, parce troisième que meilleur match. le reste du temps, je me suis un petit peu ennuyé, je vais pas te mentir. Bon, si. Non, moi je me suis pas ennuyé. La raison, c'est Zima Ion, parce que lui, je le mets bien sur le circuit indépendant. Je l'ai retrouvé là, justement, Zima Ion du circuit indépendant. C'est celui qui était à la recherche de l'innovation et qui, tous ses moves risqués, il arrive à les rendre propres, ce qu'il avait jusque-là jamais fait à TNA. Mais ou alors à de très petites occasions quoi. Sauf que là c'est sur la longueur du match et c'était même à l'arrivée le favori de la foule. Finalement il arrive à conquérir la foule, ce qui est plutôt pas mal quand même. Est-ce qu'on en parle de la Alors foule que d'ailleurs? la foule d'ailleurs Mais c'est. c'est aussi un peu retournée contre Kenny King parce qu'à force avec le botch et tout ça, elle a pas trop aimé d'ailleurs. Non, Elle a mais salué je veux dire Dorothy. Il de. y avait 10 000 personnes dans la 7. salle. 7. Je sais pas, le Wikipédia anglais me dit 10 000, donc Oui. quoi qu'il en soit, c'était la plus grosse foule de l'histoire de la TNA, apparemment. Oui, ça c'est sûr, Sur. ça c'est sûr. Mais pour en parler tout de suite, qu'est-ce que vous avez pensé de la foule sur tous les matchs en globalité? Pour la TNA, ça va. Hein. Ouais, moi j'ai trouvé que De toute façon, la bon. TNA pouvait gagner que en valeur, hein, au niveau de l'ambiance dans ses foules, au niveau de partir sur les routes, quoi. Ça, c'est sûr, parce que bon, l'Impact Zone, c'est bien, mais il est très limité au nombre de places. Oui, Je crois après. qu'il fait que 1 500 places, l'Impact Zone. Oui, mais bon, après, Lockdown, ça a toujours été à l'extérieur. À part 2005 et 2006, ça a toujours été en dehors de Orlando. Mais moi, je trouvais que justement, ils étaient pas trop mal, surtout pour la vu la qualité du pay-per-view, quoi. Ouais, mais ça allait, ouais, franchement. Ouais. Bah, San Antonio, enfin, au Texas en général, sont chauds, donc. Le truc, c'est qu'ils ont donné de la voix dès qu'ils avaient des raisons de donner de la voix, en fait. Parce qu'il y avait des matchs, on s'en foutait totalement, donc c'est logique qu'ils soient morts. Mais les matchs qui étaient bien construits, je pense notamment au main event ou au match par équipe, là, ils ont répondu présent. D'ailleurs, messieurs, merci Seb pour ta superbe intro. Pourquoi t'as intro? Non, mais je suis complètement Intervention. con. Non, plus, j'ai perdu le mot. Oh, tant pis. On va passer à la suite. Est-ce que vous y avez fini? Transition. Non! T'as pas fini? Ah, bah, excuse-moi, je Non, croyais que t'avais fini. Vincent m'a manqué comme animateur. Vas-y, fais attention à ce que tu dis, Oh oui. toi. J'y reviens. Oui, c'est vrai que Christian York, lui, il est plus terre à terre. Il est moins le style X Division, ça c'est très clair. Alors que Kenny King, ouais, c'est une grosse déception dans ce match-là. Et je me posais la question, mais Rob Van Damme, c'est vrai que normalement il avait droit au rematch, mais en fait, non. Un temps à C'est dans la TNA, vente. elle a toujours des problèmes administratifs. On y reviendra sur notre match tout à l'heure, mais elle en a toujours. Et puis là, Donc je crois qu'il était peut-être un peu prévu, mais qu'ils se sont rendu compte qu'il était sous contrat. Donc voilà, ça devait être un peu ça. C'est possible. Non, mais d'ailleurs, en fait, ce qui est en train de devenir le match pour la X-Division, ça devient un petit peu ce qu'est le Intercontinental Championship ou l'US à l'UWE. Bah, c'est-à-dire que le match est sorti de nulle part. De voir un lutteur comme Christian York là-dedans, ce que je veux dire. Bon, il passe, il est pas, il n'a pas de physique X-Division, quoi, ce que je veux dire. Ouais, mais c'est le premier match que tu vois de lui. Il a fait un match contre Jeff Hardy. Il sait sortir de quelques moves pas mal, quoi. C'est juste que là, dans ce match-là, il est pas. Après, il est pas non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il a pas le physique qu'on a l'habitude de voir pour la X-Div, quoi. Oui, mais ça veut rien dire. Oh, Samoa Joe. Samoa Joe, attends, tu l'imagines X-Division, bah, c'est le même, hein. Il a pas. Oui, non, mais c'était avant. C'est il y a eu l'époque Austin Aries. Puis après, ils sont repartis un petit peu tous dans avec le même, à peu près le même gabarit. Et là, c'est le premier, Christian York, c'est le premier, je crois, à venir avec un gabarit comme ça à l'X-Division. Ah non. Alors, je te rappelle que Abyss était X-Division de champion à un moment. Hein. Abyss. Oui, non, mais Abyss était avant. C'était avant Scénarise. Ouais. Oui, mais voilà, donc j'ai raison. C'est maintenant. Oui, mais Non, mais X-Division, il n'y a pas de limite de poids. Enfin, ah, je crois que d'accord. Mais non, c'est pas Cruiser White. Non. Je crois qu'ils en ont instauré quand même une depuis Abyss, mais bon, c'est pas non plus comme Cruiser White. Il y aura des toutes nouvelles règles qui vont sortir parce que Dixie Carter a annoncé sur Twitter aujourd'hui que des nouvelles règles X-Division vont être annoncées prochainement. Ah, ben pourquoi pas, ouais, faut voir. Donc voilà, peut-être des limitations de poids, mais alors faut faire venir du monde. Et peut-être qu'MP sera content parce qu'Alex Silva, du coup, qui est tout gringalé, lui, peut-être qu'il va monter, du coup. Jesse Sorensen va revenir quand? Oh, bah là pour l'instant il est assistant manager, alors à la TNA. Voilà. Ah, pour le moment, d'accord. Oh, dommage. Bah, en même temps, ça trouve assez talentueux. Il va revenir sur le ring un jour ou pas? Franchement, il s'entraîne en tout cas, il s'est remis en condition, mais enfin après, ouais. Ça va mettre du temps quand même. Ouais. Hein. J'ai du mal à y croire. Surtout. Dans l'X-Division, c'est plutôt risqué, donc avec l'état où dans lequel il est, je sais pas s'il prendra d'un tel risque. Bon, à la limite, bah oui, il n'est pas obligé de catcher là-bas non plus. Hein. Bah si, parce que sinon, bah, il apparaît pas dans le show, c'est pas compliqué. Bah oui, mais maintenant, je veux dire, les fans ont accroché à son personnage, donc regarde, ils peuvent faire une équipe avec Magnus, ou je sais pas, lui faire une rivalité contre, je sais pas moi, Mr. Anderson, c'est pas gênant, quoi. D'accord. Ouais. Ah bon. Allez, messieurs, je propose qu'on passe à la suite. Pour le match le plus pourri de cette soirée. Tout simplement, Joseph Park a battu le pervers Joey Ryan en 5 minutes et 42 secondes. Je pensais que Joey Ryan allait remporter le match, mais non, en fait. Quel finish de merde. J'ai honte de voir un personnage comme l'était Abyss dans ce type de personnage. Mais non, mais disons que le finish, c'est celui que, je sais pas si tu visualises le personnage, mais bon, t'étais tout petit, t'étais un pané, je crois à l'époque, c'était Earthquake qui utilisait ce finish. Le truc patapouf. Après, c'est ouais, vrai non. Que dans le personnage de Joseph Park, faire ce truc-là, bon, il est massif, mais à ce point-là, faut pas déconner, quoi. Ouais, non, mais là, ça fait... Sûr que là, Joey Ryan est ridiculisé. Moi, je l'ai appelé le sextoy, d'ailleurs. Mais bon. Sextoy. Non, mais ça me désole de voir Abyss, quoi, parce que c'est Abyss, hein. De voir Abyss dans cette gimmick, ça me fait chier clairement. Il faut que Abyss redonne Abyss pour moi. Sinon voilà, pas plus. Je donnais peut-être la parole à Brucey pour le match. Bah oui, bah écoute, on verra, parce que c'est vrai qu'à l'Impact là, il a quand même eu Matt Morgan qui est arrivé et puis qui lui a dit bon, mais j'ai été éliminé. Donc peut-être que là on va voir, mais apparemment ce personnage, la TNA, elle y tient, malheureusement pour Abyss, donc à mon avis il va durer. Après il y aura des développements, mais j'espère le personnage, parce que bon là c'est très faible, c'est vrai, sur le ring il y a un moment, mais c'est un personnage qui est dédié au comedy wrestling, donc à partir de là, bon, il en faut toujours un comme ça tombe sur lui. Hein. Avant c'était Eric Young, qui maintenant est un rôle sérieux, mais voilà, maintenant c'est Joseph Park. Sébastien. Moi, le personnage de Joseph Park, il me gêne pas autant que vous, parce que je trouve qu'il est un petit peu rafraîchissant par rapport au personnage d'Abyss, qui était devenu pour moi assez vieux et assez répétitif. C'est toujours la même chose depuis plusieurs années. Donc là, je trouve que ça fait du bien de voir un petit peu Joseph Park ou Abyss dans un nouveau personnage. Après, ce qui me gêne plus avec lui, c'est que les matchs qu'il fait sont toujours, c'est toujours la même formule en fait. Au début, il commence à catcher un petit peu comme un débutant. Et après, il commence à avoir la confiance avec l'appui de la foule et il trouve un moyen de remporter le combat. Donc c'est toujours un petit peu pareil. Et c'est plus ça qui me gêne, en fait. Et c'est Vincent, pardon. Vincent, allô Vincent? Non mais allô quoi, Vincent? Il est jaloux, Vincent. Je vais piquer son info alors. Vincent, on a perdu Vincent tout simplement. Non mais on a perdu Vince. Ouais. Bon, de toute façon, c'était allô. Le match. Ah, on a récupéré Vince. Eh bien, alors. Je parie que t'avais coupé ton micro, que tu parlais dans le vide. Non, même pas. Ah. Non, en plus, je t'ai traité, donc. Oui. Bon, oui, donc je disais, le personnage d'Abyss, enfin de Joseph Park, me gêne moins qu'avant, puisque dans sa rivalité contre Bully Ray, il y avait les interventions d'Abyss, il y avait l'âme d'Abyss qui flottait au-dessus de lui. Là, c'est moins le cas, et puis on le fait affronter des catcheurs plus légers que lui. Ça rend déjà le match un peu plus intéressant. Après, j'ai envie de dire, pour ce match-là comme pour le suivant, on ne pouvait pas s'entendre à quelque chose de magnifique. Du comedy wrestling au mieux. Donc on a ce qu'on a pu avoir. On a ce qu'on mérite. Ouais. J'ai peut-être pas ce que là, mais voilà, on pouvait pas avoir mieux quoi. Voilà. Mais écoutez messieurs, je propose qu'on passe au match suivant. Parce que j'ai pas trop envie de m'attarder sur ce match-là, personnellement, je sais pas vous, mais. Oui, il représente pas un danger capital pour la suite. Hein. Ouais, voilà. Jean-Joël Ryan, bon, il va pouvoir. À noter que ce n'est pas le match le plus court de la soirée. De une seconde. Vous voyez que c'est très important de dire les secondes. Parce que tout à l'heure, on a eu un petit débat là-dessus avant le podcast, je vous dis pas. Apparemment, ça fait rire vers pas tout ça, quand je dis le temps avec les secondes. En une seconde, match... c'est beaucoup de choses. Ah oui, non, mais attends. Le TNA Women's Knockout Championship, Velvet Sky et la championne a battu Gai Kim en 7 minutes et 31 secondes, messieurs. Parole à monsieur Brousty. Ah bah oui, à l'absence de Verpa, bah je suis le spécialiste knockout en effet. Gail Kim, la pauvre, j'aurais tendance à dire, parce que la voilà embombée dans une feud avec Taryn Terrell, le superbe arbitre, qui a été formé par Earl Hebner. Donc à partir de là, la triche, elle est naturelle, je dirais. Donc, mais c'est un peu dégueulasse quoi, de faire un booking pareil. Match de championnat, une arbitre qui n'a pas à faire des trucs pareils. Mais enfin, bon, elle était bonne, l'arbitre. Ouais. Je confirme. Ouais. Bah, elle est refaite de tous les sens aussi. Elle l'avait dit à Sébastien. Alors, non, elle n'avait pas dit à Sébastien, mais elle l'avait dit quand même. Voilà. Mais cela dit, bon, le match en lui-même, Velvet Sky, bon, elle a fait autant de moves que depuis son retour, ce qui est assez remarquable. Je dirais que peut-être que le fait d'être championne d'un coup, ça la réveille un peu. Déjà, ça réveille sa tenue qui repart pigeon snooze. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, après, bon. Disons que c'est un match un peu particulier, quoi. J'ai pas trop d'avis, à part que, bon, ben voilà, on est arrivé avec une feud, Taryn Terrell, le Gil Kim. Taryn Terrell viré prochainement. Sébastien. Ouais, c'est ça, hein. C'est comme Brucey vient de le dire. L'objet du match, en fait, c'était plus concentré sur la rivalité Gail Kim contre Taryn Terrell. En fait, Velvet Sky était la championne, mais on a l'impression qu'elle faisait partie plus du décor qu'autre chose, même si pour une fois, je dois avouer que je trouve que sa prestation est plus solide que ce qu'elle nous a sorti habituellement. Peut-être c'est dû en partie à Gail Kim qui a porté un petit peu ses faiblesses, mais en tout cas, le match est pas mauvais non plus pour un match féminin. Mais voilà, hein, j'ai pas grand-chose à rajouter de ce que Brousty a dit tout à l'heure. Et Vincent. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Le match était plutôt bien parti jusqu'à ce qu'il nous foute cette rivalité Gekim Taryn Terrell. Alors d'ailleurs, il y a notre ami Norbert Feuillant qui a écrit une petite review de ce pay-per-view lockdown sur son blog. Il faut que je retrouve, mais ça va aller vite. Et il disait que il comprenait pas trop d'ailleurs cette intervention de Taryn Terrell. Alors j'ai le match sous les yeux. Attendez 2 secondes. Oui, donc pourquoi Gekim fait chier l'arbitre depuis un moment, mais pourquoi voudrait-elle se séparer, enfin se faire disqualifier lors d'un combat de championnat, putain. Et surtout, avant de l'attaquer, pourquoi l'arbitre ne la disqualifie pas Disqualifie pas. T'as Putain. beaucoup de mal, bonhomme. Reprends ton souffle, vas-y. Je recommence. Pourquoi voudrait-elle se faire disqualifier lors d'un combat de championnat? Putain. Et surtout, avant de l'attaquer, pourquoi l'arbitre ne la disqualifie pas? Putain. As du mal. À l'instant, mais c'est pas lire, quoi. Ouais, Disqualifie pas, voilà. voilà, bravo, merci. Bravo. Bravo. C'est du montage, putain. Je fais exprès. Allez, messieurs, je propose qu'on passe au match suivant, si vous n'avez plus rien à dire. Peut-être Verpa. Ah oui, Verpa peut-être qui est là avec nous, peut-être pour parler des juste des knockouts, parce qu'il n'a pas vu Lockdown. Alors ah Verpa, oui, si... j'avais juste une petite Tiffany à l'époque. Voilà, oui, j'avais juste une petite question. J'ai lu qu'il y avait pas mal de divas qui avaient été recontactés pour pouvoir refaire une One Night Only. Et pourquoi est-ce qu'ils les ont toutes recontactées? Est-ce que ça présage un pay-per-view à moitié gratuit, à moitié payant à l'avenir ou un pay-per-view enregistré? Bah, oui, Mais ça, déjà, il n'y a personne qui veut. ils ont fait pareil, hein. Y a personne qui veut y venir, donc c'est triste. Déjà, le concept des pay-per-view là, c'est 15 $ pour les Américains, ce qui est moitié moins cher par rapport à un pay-per-view genre Lockdown. Et bah, ils les appellent parce qu'il faut bien des noms connus par les fans de la TNA. Si tu fais venir que des nouvelles, je vois pas trop l'intérêt. Et puis, mais ça, franchement, ça présage pas beaucoup d'un bon pay-per-view parce que ou ça va être des catcheurs, enfin des catcheurs, des catcheuses que personne ne se souvient, ou ça va être bah, pas beaucoup de catcheuses d'anciennes de TNA. Donc. Oui, parce que les anciennes plus connues ne veulent pas revenir juste pour un soir et surtout juste pour cette espèce de pay-per-view là qu'ils vont faire. Oui, enfin, ceux qui ont refusé, c'est. Enfin, Karma. Il y en a plein qui ont refusé quand même. Angelina Love, je crois. Tracy Tracy Brooks. Brooks, Winter. En Mais même temps. Angelina Love, Non, mais elle fut aussi j'en vois pas mal. 3-4. À chaque fois, tous les jours, j'en vois 3-4 qui refusent de revenir. Sarita aussi. Ça, c'est Qui a normal, refusé. Sarita, elle fait un mix entre. Elle est souvent au Mexique en ce moment, donc. Oui, mais en même temps, quand tu vois qu'elles n'avaient pas beaucoup de temps quand elles étaient là. Elles ont été un peu virées comme des malpropres. Enfin, peut-être pas comme des malpropres, mais bon. Et ils n'ont pas fait grand chose là-bas. Donc pourquoi ils viendraient pour une soirée, surtout si c'est pas beaucoup payé, quoi. Donc, ce qui pourrait dire que ça serait le début de pas mal de nouvelles catcheuses qui étaient dans le gut check internet, comme Athéna par exemple. Non? Je pensais pas. Bah oui, je pense. Parce Ce qui est qu'à part. gênant, c'est que le concept de ce pay-per-view, en fait, c'était de réunir les anciennes knockouts de la fédération et de faire une espèce de tournoi, en fait, sur la soirée. Et donc, si t'as pas les têtes d'affiche de l'époque, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Ouais, pour élire la reine de la TNA. Voilà. Génial. Non, mais bon, après, c'est voilà, c'est un concept à thème, quoi. Enfin, Oh, c'est pourri, quoi. ça reste un tournoi, mais Non mais les White après. Knight Only vont faire des conneries avec ça, je sais pas pourquoi, mais Non, ça va oui. être des échecs mais monumentaux, parce que la moitié des pay-per-view vont nous être spoilés, c'est n'importe quoi. Mais non, mais enfin, mais je suis pas d'accord avec toi, parce que l'intérêt de ces pay-per-view, c'est pas le résultat, c'est le contenu. Par exemple, là, le premier pay-per-view qui est diffusé, c'est un pay-per-view exhibition. Enfin, Tu t'en je fous. suis pas trop fan, je suis pas trop fan de regarder des matchs dont je connais déjà les résultats. Ouais, mais c'est pas des résultats Ça que. enlève, pour moi, ça enlève à la qualité des matchs. Ouais, mais non, mais là, c'est pas intérêt le résultat. Enfin, après, les résultats n'ont pas été aussi diffusés que des résultats de shows normaux, j'ai envie de dire, mais. Tu verras qu'ils vont tous fuiter sur le net à force. Non, mais moi, je les ai déjà vus, les résultats, mais justement, c'est pas les résultats qui m'intéressent, c'est les affiches, c'est. Le concept, comme par exemple là, que des matchs exhibition ou un tournoi avec des catcheurs anglais, Ouais, japonais, mexicains. spoiler des pay-per-view, je trouve ça con, quoi. Après. En même temps, regarde SmackDown, c'est diffusé le vendredi, tu sais les C'est résultats pas un déjà le mardi. pay-per-view. Mais c'est pas un pay-per-view, SmackDown, c'est des shows Bah, weekly. ça Je parle n'empêche que des. quand il y a un changement de titre, tu le sais déjà, quoi. Ouais, les grosses surprises sont déjà Bah oui. divulguées. Quand il y a une Par annonce de contre, le coup. match ou un truc du genre, tu sais déjà le mardi alors que c'est diffusé le vendredi. Oui, mais tu le sais même déjà le lundi, les annonces de match. Hein. Des fois, Non, mais t'annonces les des annonces matchs. de match qui sont faites le vendredi pendant SmackDown, Oui. qui n'ont pas été faites le lundi à Raw, tu le sais Oui. déjà le mardi. Ou bien le changement de titre, par exemple, quand Oui. Alberto a gagné le match, tu le savais déjà le mardi. Donc là aussi, ça Ouais. cache. C'était même en une sur le Bah www.com, oui. ça. Donc Oui, mais là. j'ai pas dit. Est-ce que j'ai dit que ça gâchait le truc? Bah oui. Est-ce que j'ai dit que ça gâchait pas le truc, pardon? Quand on s'est spoilé le résultat quand la WWE, enfin même que ce soit la TNA, la WWE, la Ring of Honor ou quoi, qui s'auto-spoil eux-mêmes sur les matchs pour les titres, je trouve ça très con quand même. Justement, enfin, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est Si. pas le résultat. On s'en fout parce que, par exemple, sur la X-Division, t'as des anciens catcheurs qui vont revenir. Bon, je vais pas Je dire suis qui pour désolé, pas spoiler. sur des pay-per-view, pour moi, c'est aussi les résultats qui comptent. Mais sur ce genre de pay-per-view, il n'y aura pas de changement de titre en fait. C'est vraiment détaché du show que tu as chaque semaine en fait. Vont faire de la merde, je suis désolé. Enfin, c'est mon avis, quoi, mais c'est. Les One Night Only, ça va être de la merde, ça marchera pas. Et pourquoi? J'en Sur le suis. papier, c'est alléchant en tout cas, hein, personnellement. À part le Mais truc ça ne marchera knockout, pas. parce que bon, ça c'est Pour spécial. le public, ce qu'il veut, c'est peut-être des matchs pour les titres. Il n'y aura pas de matchs pour les titres dans ces pay-per-view, ça va être pourri. Mais attends, les matchs X-Division qui ont fait la renommée de la TNA, c'était pas forcément pour les titres. Hein. Mais pourtant, tout le monde s'en souvient. Enfin. Ouais, enfin, pour moi, dans les pay-per-view, tu dois forcément avoir une ceinture qui doit être défendue, quoi. Mais le concept de tournoi mondial il est déjà pas mal, puisqu'en fait, c'est seulement il ressuscite la Ouais, World League Cup. mais c'est ça en plus. C'est une très bonne idée, made in TNA, ça. Ah non, mais. Enfin, je sais pas un exemple là dans la tête, mais heureusement. Bah, regarde, par exemple, Taker HHH l'année dernière. Il n'y a pas de titre en jeu, pourtant ça t'a passionné. Et Mais pourtant, c'était à t'étais. WrestleMania, mais je te parle du pay-per-view global, moi. Mais non, mais tu savais que Taker Je te parle du allait pay-per-view battre Triple global. H. Et pourtant, t'as regardé les matchs, Mais t'as. tu parles loin, là. Bah si, parce que tu lui dis qu'il faut une ceinture pour que ça soit intéressant. Pas force. Moi, je te parle sur les affiches globales des pay-per-view, sur tous les matchs qui doivent y être. Dans un pay-per-view, tu dois forcément, pour moi, c'est mon avis personnel, tu dois avoir des matchs de championnat. Sinon, c'est pas vraiment intéressant. Donc si je suis ta logique, un pay-per-view comme King of the Ring qui existait avant à la WWE, c'était pas intéressant. C'était différent. Bah là c'est pareil, ça va être des tournois, des. Ouais, mais attends, c'était King of the Ring, c'était une fois par an. Le problème, c'est qu'ils nous en foutent 6 par an, quoi. Ah oui, mais c'est pas pareil, là c'est un tournoi féminin, c'est un tournoi avec des équipes et des catcheurs qui sont pas de la Ouais, TNA, et puis excuse-moi, c'est mais. un. Bah. Excuse-moi, j'en vois pas l'intérêt, quoi. C'est mon avis, après, bon. Moi, je trouve ça vraiment con. Je préfère le système avec les pay-per-view tous les mois, quoi, c'est tout. Mais moi, enfin, pour clore le débat, je préfère voir des pay-per-view à thème où il n'y a pas de match championnat comme va faire la TNA que faire la WWE des pay-per-view à thème et faire un Hell in a Cell pour rien tous les ans, quoi. Enfin bref. Trouve ça complètement con les One Night Only, c'est tu me feras pas changer d'avis là-dessus, donc On ça arrête. verra dans 3 mois si tu auras changé d'avis Ah après, ben je j'aurais crois. pas changé Comme d'avis, prévu. hein. Moi je trouve ça complètement con. Hein. Après, c'est mon avis. C'est comme ça. Moi je dis, s'ils offrent des bons matchs, pourquoi pas. Ouais. Je me rends compte qu'on a beaucoup dérivé. On parlait d'un match féminin il y a quelques minutes et on se retrouve au One Night C'est Only. la faute à Verpa. Recentrons le débat. Allez, messieurs, je propose quand même qu'on passe au match suivant parce que parler des knockouts, ce n'est pas très très intéressant. Est-ce que Verpa veut rester ou pas? Je garde une oreille sur l'émission. Ah, donc possible que Verpa revienne poser des questions pour débattre plus tard dans le pay-per-view. Allez, c'est parti pour le match le plus court de la soirée. Ça a duré 5 minutes et 41 secondes. Donc une seconde de plus que Joseph Park contre Joey Ryan. C'était Robbie E contre Robbie T. Et Robbie. Ah, lequel? Robbie T qui a À remporté ce l'arrivée, combat, c'est Rob monsieur. Terry en fait. Il y a une particularité, c'est qu'il se fait rebaptiser le nom qu'il avait à son arrivée à TNA à la fin du match. C'est remarquable, hein. Ah. Donc voilà, il redevient Rob Terry. D'accord. Voilà. Bah, moi, j'ai donné mon analyse complète. On en a beaucoup parlé au pré-lockdown. Merde, moi, je voulais pas qu'il se déroule à lockdown. Et ben, merde, il s'est déroulé. Youpi, tralala. Voilà. C'était Ouais. génial. Non, c'était un bon match de merde, hein. Sébastien, par Bah, contre. très déséquilibré, quoi. Voilà. Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas d'intérêt finalement que le match ait lieu à lockdown parce qu'il y a eu exactement la même affiche à Impact à Chicago de hier soir. Et sauf que cette fois-ci, ils ont eu la bonne idée de faire raccourcir le match de 4 bonnes minutes puisque le match a duré 50 secondes en gros. Une domination de Robbie T du début à la fin. Il a porté 3 prises et c'était la fin du match. Donc ça aurait été bien de faire pareil à lockdown parce que c'est vrai que 5 minutes, ça m'a paru une éternité parce que j'ai aucun intérêt dans ces deux catcheurs actuellement, la rivalité me passionne pas. Enfin, je paierais pas pour voir ce match si j'étais un Américain. Donc, pour moi, il n'y a aucun intérêt là-dessus. Vincent. Je vais répéter ce que j'ai dit sur le Un match. match comme ça, White Knight Only, t'en veux? Ah oui, non, mais c'est pas pareil. Ah ben voilà, ben si, c'est pareil. Tu peux y aller. Oui, mais attends, on va avoir des affiches autrement. On va pas repartir sur le débat. On fera un vrai débat de ces cas sur les White Knight Only, promis. Non, mais je veux juste dire qu'on aura des matchs beaucoup plus intéressants au pay-per-view enregistré. Non, mais je veux dire ce que j'ai dit au match précédent. Hein. On ne pouvait pas s'attendre au mieux. C'était au mieux du comedy wrestling. Et puis voilà quoi. Puis surtout que ça n'a pas été. Enfin, ça a été un petit peu développé sur les shows en Angleterre, mais voilà quoi. Je pense qu'on peut passer à la suite. D'accord. Sûrement pour le match en plus, le meilleur match de cette soirée, c'était un match triple menace par équipe pour les World Tag Team Championship de la TNA. Ça a duré 17 minutes et 9 secondes. Et les champions actuels, Austin Aries et Bobby Roode, ont donc battu Bad Influence, que sont Christopher Daniels et Kaz. Ils ont changé de nom, eux? Pas du tout. Non, ils ont juste un nom d'équipe. Avant, ils n'en avaient pas, c'est tout. Ah, d'accord. Enfin, ils en ont quand même un depuis un ou deux mois, mais... Oui, mais c'est très bien que moi, la TNA, je oui. Pas. Et donc, Chavo Guerrero et Hernandez également dans ce combat. Très bon combat. D'ailleurs, vous l'avez commenté, messieurs, dans l'instant catch, que je parle, messieurs, c'est bien évidemment Brusty et Vincent. Tu l'as sorti hier, hein? Oui, c'est sorti. Donc, si vous ne l'avez pas vu, donc la page... De Dailymotion Instant Catch pour voir un bon combat en plus, messieurs, le meilleur combat de ce lockdown, j'ai trouvé vraiment bon dans le déroulement. J'ai bien kiffé la fin quand sur le tag effectué par Bobby Roode quand Chavo fait le Frog Splash. J'ai trouvé ça assez intéressant à voir. Et puis j'ai beaucoup aimé le travail d'Hernandez durant ce combat. Je sais pas vous, mais moi il m'a assez impressionné pour le coup. Ben, c'est un peu le retour des revenants, parce que tout à l'heure, à la X-Division, il y avait Zima Ayon qui n'était pas dans une grande forme, on va dire, in-ring depuis pas mal de temps, et qui là a fourni la meilleure impression. Et là, j'aurais tendance à dire, ben, à te suivre un peu, ben, c'est Chavo et Hernandez, ils ont fourni la meilleure impression in-ring niveau action, quoi. C'est eux qui auraient été chargés de faire le match. C'est étonnant, mais c'est eux qui l'ont fait essentiellement, et en effet, très bien. Ma foi, ils ont bien tenu. Moi, j'ai bien aimé aussi le rythme qu'il y avait. De toute façon, je n'attendais pas moins. Après, bon, il aurait pu avoir un tout petit peu plus, mais enfin, bon, on ne va pas non plus être trop exigeant. Mais sinon, le boulot de chaque équipe est plutôt pas mal. Il y a toujours une mainmise de l'équipe Roode Harris, quand même, jusqu'à la fin. En effet, la route, tel un renard à la fin qui connaît parfaitement les règles. Et puis, qui in extremis aussi, a pu défendre les titres par équipe, parce qu'en fait, bourde administrative de la TNA qui a fait que pendant plusieurs jours, voire même un peu plus qu'une semaine, même, voilà. Ben Bobby Roode n'était plus sous contrat et la tienne en fait. Grosse erreur qui n'était pas bien gérée. Quoi. Donc, du coup, In Extremis, la veille, ils avaient fait re-signer. Ben, et voilà. Ben, heureusement qu'il était là finalement, hein, parce qu'il apportait une certaine expérience aussi du par équipe. Moi, j'ai quand même un coup de gueule à passer. C'est foutre scénariste et Bobby Roode en équipe. Enfin, en course pour les sites par équipe. Ces types ont de l'avenir en solo. Et pourquoi les foutre par équipe? Juste parce qu'ils ont rien à faire, c'est ça? Bah ouais, mais en même temps, t'as bah franchement, j'aurais préféré les voir dans l'état de lockdown contre. Bah ouais, mais moi ça me fait penser à une différence près à AJ Styles et Kurt Angle à une époque. Oui, ouais, voilà, pareil. D'où ce qui était associé. Bon, la différence, c'est que Styles et Angle n'ont jamais eu les titres. Bah. Alors que c'est vrai que Roode et Harris, ils ont une supériorité évidente. Si, Gus, bon, si, ils ont eu les titres. Ah oui, mais brièvement, voilà. Alors ouais. Que Roode et Harris ont vraiment une supériorité, à mon avis, ils risquent de les tenir longtemps. Je vois pas qui peut les choper. Là. Ah ouais, mais ça me fait chier, moi je veux les voir en solo. Bon, si c'est clair, c'est deux talents extrêmement bons solitairement, donc je vois pas pourquoi ils devraient être associés. Enfin, pour moi, c'est vraiment gâcher deux talents. Alors certes, ils font quand même du bon travail. Oui, c'est clair, c'est clair. Hein, ça... Dans leur position dans laquelle on les a placés, ils font du bon travail, mais c'est vrai que... Les voir en solo, je pense que c'est quand même le meilleur endroit où ils peuvent mieux s'exprimer dans des bonnes rivalités, dans les main events. J'ai envie de dire, c'est comme, enfin pour les deux, c'est faire 20 pas en arrière, quoi. Ben, pas forcément, remarque qu'ils ont toujours leur projet dans le coin qui est de choper toutes les ceintures. Donc, et on voit que récemment, Austin Harris a affronté Jeff Hardy. Ben alors, s'ils font jamais. Ça, franchement, je te le dis, s'ils font ça. Ça serait fou, hein. Ouais. S'ils font ça, c'est génial. Par exemple, s'ils ont le projet de réunir, enfin de réunir, enfin, sans il n'y en a réunir. Pas beaucoup, mais Austin Harris, il peut repartir avec l'X Division, par ouais, exemple. Voilà, et ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa si tu vois les quatre ceintures de la WWE portées par ces hommes-là. À la limite, là, je dis pourquoi pas. Mais Il faut les voir principalement en solo, ces deux-là, pas en équipe. Oui, Saturne TNA, hein, pas WWE. Oui, excuse-moi. Oui. C'est l'habitude. T'as dit les quatre, alors par équipe. Poids lourd, X-Division, télévision, oui, parce que télévision existe toujours. J'oublie ce titre. Télévision existe toujours, incroyable. On a découvert ça à l'Impact précédent. C'est qui est champion de télé déjà? Divonne, qui n'a jamais défendu son titre. D'accord. Sinon, pour le combat, pour revenir sur Hernandez, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de match TNA. Je pourrais vous dire, ça doit faire bien un an. Depuis Bound for Glory, pardon. Ah, et... ça m'a rassuré, parce que la dernière fois, je croyais que tu allais parler d'Hernandez avec Omici. Putain, ça date, ça. Oui, non. La dernière fois que j'ai vu Hernandez, donc c'était à Bound for Glory. Et je dois avouer qu'il m'a assez impressionné. Je me rappelais pas qu'il avait un tel talent. C'est pas non plus le meilleur catcheur au monde, hein, bien sûr. Mais j'avais oublié qu'il avait un certain. Un petit talent, quoi. Hein. Ouais, je pense que je le voyais pas si dynamique que ça, en fait, ouais. Bah, t'es tombé dans un bon soir, en fait. Oui, c'est vrai qu'il est un peu lourd et emboté, oui. Bah, on l'a déjà vu contre Matt Morgan, oh là là. Bah, ça dépend de l'adversaire, j'ai l'impression, aussi. Ah, mais la sortie, c'est peut-être l'une des meilleures prestations de sa carrière, non? Je sais pas si j'irai jusque-là, mais... Du temps où il était en équipe avec Homicide, le temps des LAX, il y a eu des gros matchs, aussi. Donc, oui, je me souviens que LAX a été nommé équipe de l'année 2008, donc... Ah oui, d'accord. Alors je me suis peut-être avancé, mais j'ai été assez surpris de la prestation de Hernandez. Ça a souligné, c'est peut-être un plus pour moi. La prestation de Hernandez, j'ai bien aimé. Oui. Oui. Dans d'autres analyses. Sébastien, peut-être sur le match. Je ne sais pas si tu as donné ton avis, je ne me rappelle plus. Si, j'avais donné mon avis. Sinon, on peut encore noter que première fois que Chavo Guerrero et Hernandez reçoivent véritablement une réaction de face, alors qu'à d'habitude ils se font siffler, mais là pour une fois la foule a bien réagi à leur égard. Et oui, bah déjà la foule, je pense qu'elle a récompensé ceux qui prennent une initiative in-ring, donc à partir de là. Et puis en plus, les deux sont originaires du Texas, il me semble. Donc ça aide aussi. Originaire du Texas? Bah, il me semble, c'est ce qui était dit en tout cas aux commentaires. Alors après. Ah, bah, c'est peut-être pour ça alors. C'est peut-être pour ça. Bon, mais écoutez, messieurs, je propose qu'on passe Pas fini. Ah, pardon, Vincent. Enfin, j'ai un tout petit peu parlé. Non, enfin, je vais dans votre sens. C'est un bon match. Après, Hernandez, oui, quand il se sort les doigts du cul, il peut faire un bon match. Mais c'est aussi faire des bons matchs en équipe, parce que, voilà, en équipe, tu fais moins de trucs, t'es moins mis en avant, donc forcément, c'est plus facile de faire un bon match. Quoique, mais... Bon. Oui. Là, tu vas loin, mais justement, c'est les mecs aussi qui ont l'habitude de la cohésion, oui, de voilà. La chimie. Oui, et c'est vrai que, bon, après, Chavo et Hernandez, leur règne de par équipe n'a pas été terrible. Alors, bon, heureusement, là, ils ont sorti une bonne prestation. Après, Daniels et Kazarian sont toujours divertissants, je trouve, que ce soit dans leur promo ou dans leur match. Daniels, c'est génial. Ah oui. Christopher Daniels, c'est génial. Là, au dernier impact, ils se sont grimés en Road Warriors. Oui, Road Warriors, oui, c'est ça. Ouais. Ou Legend of Doom, ça dépend de la fédération. Mais ils sont excellents. Ils ont fait les deux versions comme ça, hop là. Mm. Et d'ailleurs, la James Storm, au passage, il s'était un peu loupé parce qu'ils étaient à Chicago. Et puis, il a dit qu'ils étaient de Chicago, mais en fait, non. Ils n'étaient pas de Chicago, les Road Warriors. Mm. Bon, voilà, c'était pour la petite aparté. Mm. Ah, bon, non, bah alors, faut dire à quelques analystes. Renaud qui dit qu'en fait, si, bon. Non, mais on n'a pas parlé de Daniel Cesarian dans ce combat, mais ah oui. C'est vrai qu'ils ont tous bien travaillé. Les six mecs qui étaient présents sur le ring, c'était génial ce qu'ils ont fait, bravo. Non, mais en plus, la Cesarian a dit dans une interview qu'ils ont une liberté créative, et puis ouais. Non, c'est bien ce qu'ils c'est le type, c'est exactement le type de match où il n'y a quasiment rien acheté. C'est vrai. Ouais. Mmh. Mais bon. La séquence aussi avec les souplesses. Elle était pas mal aussi. Hein. Ouais. Non, c'était un super combat. Je me suis éclaté à le voir en live, moi, celui-là. Franchement, bravo. Ouais. 17 minutes et 9 secondes, je rappelle le temps. Et on va pouvoir passer, messieurs, au match suivant, si vous êtes d'accord. Oui, allons-y. Mais là, c'est pas la même peine. Hein. Allez, c'est le premier, donc, Steel Cage Match. D'ailleurs, on n'en a pas parlé normalement dans les lockdowns. Ah oui, bon, bah, d'ailleurs, en même temps, ils se sont pas. Ben voilà, à partir du moment où on savait qu'il y avait trois matchs en Steel Cage, c'était les trois qui avaient fermé le show. Donc, ouais. Vu qu'ils ont installé la cage. Donc, Oui, alors non, mais sans déconner. La façon dont la cage est montée. Une perte de temps, quoi. Oh Ah bah oui, il faut bien le faire, quoi. ben oui, mais la fameuse question de Kevin, où était la cage, ben là ils ont pas préféré la mettre tout en haut du toit parce que Ouais, je veux mais être pro justement. Donc, ouais. C'est con, quoi. Enfin, je trouve ça un peu con, je trouve ça dommage, quoi. Bon, mais ils se sont débrouillés assez rapidement à l'arrivée. Oui, Moi, il y a oui. juste Little Lockdown, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a juste là que ça m'a gêné pour la cage, mais sinon le reste du temps, donc ça allait. Ouais, donc je rappelle, donc Steel Cage Match, 11 minutes et 43 secondes, Wes Brico. Misco, Brico. Brisco. Brisco, c'est le seul truc qui est prestigieux dans son nom, alors, enfin, chez lui. Le nom. Wes Brisco, pardon. A battu Kurt Angle, enfin a battu Kurt Angle. De Oui, quelle bah oui. manière? Ouais, bah De quelle bah manière? il a été mis par Bill O'Brien, son vice-président, là, en dehors de la cage, voilà. Pendant que Brian Hebner, bah, lui, faisait la sieste, donc il n'a pas vu Kurt Angle qui se baladait hors de la cage et qui est rentré de force. Booking de merde! Alors, Non, mais sans déconner, quoi. je Ah défends. oui, non, moi aussi, je suis furieux. Hein. Non, je suis furieux. Hein. J'aime Non, pas la mais. manière, surtout que Wes Briscoe ne montre strictement rien, quoi. Non, mais en gueule, il mérite de gagner le combat, mais 120 fois, quoi. C'est un Et en truc de plus, fou. ouais, mais ça me fait mal parce qu'en plus, Kurt Angle qui vient avec le t-shirt pour sauver la lutte au JO, et puis on lui fait faire ça, c'est pas possible. Je comprends pas. C'est n'importe Un quoi. adversaire de merde, parce que désolé, mais Wes Briscoe, moi j'en ai marre. Enfin, j'en ai déjà marre, parce que je connaissais déjà FCW, il m'a ennuyé. Bon, ben là, ça confirme quoi. Mais en parlant de Wes Brisco, normalement il n'y avait pas un problème comme quoi il s'était fait rétrograder en tant qu'arbitre et puis après comme il avait mal au genou, il pouvait plus faire arbitre et donc il était obligé Ah de non, mettre ça un c'était terme à Brad sa carrière. DiBiase. Ça c'était Brad C'est Brad DiBiase, oui. DiBiase. Je croyais aussi que Wes Brisco il avait eu ce problème-là à la Ah pas du FCW. tout lui. Non, non, bah, c'est vrai qu'il s'était blessé à l'époque, mais non, c'était au bras, je crois. Ouais, au bras. Non, le match était vraiment à chier, quoi. Wes Brisco, il a botché deux fois les souplesses arrière, non? Ouais, Les German les German, Suplex. ouais. Il retombe Voilà, sur, il retombe plutôt. sur la l'épaule sur la toute première prise, sur la German Suplex, et puis aussi sur la German Suplex dans les cordes. Mais sinon, pour le défendre 2 secondes, 2 secondes, pas plus, franchement, c'est quoi l'idée de mettre Wes Brisco C'est bon, dans 2 secondes. dans l'un des trois plus gros matchs du lockdown, qui est quand même important dans l'année, et alors que Il est le... pistonné, c'était lui ou Garrett Bischoff, alors écoute. Oui, non mais... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Alors que le mec, il a quoi? 3 mois à la TNA, il a fait quoi? 4 matchs? C'est un débutant encore, faut arrêter. Puis en plus contre Kurt Oui, Angle. mais. Oui, mais il y a le sens de la story aussi, c'est qu'au départ, c'est carrément Kurt Angle qui l'a embauché, donc voilà, c'est à partir de là, c'était couru, quoi. Après, Oui, c'est non mais sûr que ça y va pas, hein, après mais. Kurt Angle aurait pu le défoncer à Impact et c'était fini, quoi. Ben oui. Non mais c'était vraiment un match de merde. Putain. Puis cette fin, quoi, non mais sans déconner, quoi. Y a pas d'autres officiels pour normalement Ben quand oui, un ah, quand un... c'est cette question que je me suis posée Non aussi. mais quand un lutteur sort du ring, normalement, il n'y a pas des officiels pour Ah oui, dire dans Steel Cage à que. AEW, il y en a autour, oui. Mais Donc. c'est n'importe quoi. Putain. Non mais sans déconner. Non mais c'est à chier, quoi, ce qu'ils ont fait. Et putain. Et le fils, c'est comme le père. Et Abner, père et fils, la tradition ne se perd pas. Non mais en plus, au bout de je sais pas, c'était peut-être au bout de 5 minutes de match, t'as Wes Brisco, il va vite vers la porte et d'un coup il a du mal à y aller comme s'il avait mal au dos. Mais merde, pourquoi? Après, on compare aussi un catcheur qui a 15 ans d'expérience et un autre qui a 2 matchs d'expérience. Donc, ça, Non on mais. compare à l'incomparable. Mais... Non mais je suis d'accord, non mais c'est pas à comparer l'incomparable, c'est que quand même, non mais merde, Tu c'était as n'importe une quoi. différence technique Mais hallucinante, même au évidemment. niveau des expressions faciales, mais c'était quoi ça? Ah, ben ça a fait rire. Si vous connaissez Bray Wyatt à la FCW, bah, à NXT, bah, il essayait de les copier. C'est Oui. assez curieux. Ouais, sauf que C'est naze. le mec. C'était naze. Et en plus, quand tu regardes la promo au micro de Jérémy Borash de Angle juste avant le match, lui il fait une promo correcte, enfin correcte, parfaite. Et t'as Wes Briscoe qui arrive en faisant le psychopathe, le psychopathe. À 3 $, quoi, enfin, c'est Ah n'importe bah quoi. oui, bah les grands yeux, ça y fait. Je me fais un peu l'avocat du diable ce soir, mais moi je me dis que c'est quand même encore un très très jeune lutteur et que c'est vrai qu'on peut lui pardonner peut-être ses erreurs. C'est vrai qu'il avait énormément de pression pour Non. lui, catcher dans un... Si quand même, on peut pas exiger quand même qu'il ait un niveau... C'est ce que je disais tout à l'heure, moi. C'est Ouais, mais c'est pas comme normal de Bischoff en foutre quand même. général. Ah oui. Bon, à la rigueur, pour le voir progresser, voilà, faut vraiment l'envoyer à l'OVW quelques temps et puis voilà. Ah oui, oui et non, parce qu'à l'OVW, t'as pas de grand nom qui font te faire progresser plus vite. Ah merde, c'est vrai, oui. J'avais oublié. C'est vrai que là-bas, le plus grand nom, c'est Crimson. Oh. Ah non, il y a quand même Douglas Williams. S'il te plaît. Non, bah lui, il est plus entraîneur. Il est entraîneur, non, lui. Il est champion du monde. Enfin, champion du monde. Champion de l'OVW. Ah, c'est pas Jamie Nolivencia ? Non. Ah, ok. Ah, c'est un autre titre, ok. Bon, mais voilà la petite aparté. En même temps, ça tient aussi. Alors. Parler de l'OVW, messieurs. Je tiens à le préciser. Non, pour en venir au match, c'était un match de caca. Voilà. Oui, tu l'as pas mal dit. D'ailleurs, il y a non, mais ça me fait chier parce que j'adore Kurt Angle, quoi. Non, mais d'ailleurs, le mec qui a fait la review en direct du pay-per-view sur PW Insider a dit que c'était le pire match de Kurt Angle en pay-per-view. Ouais, non, mais il dit pour rien, quoi. Oui, non, mais. Enfin. C'est sûr que c'est pas de sa faute, mais bon. Bon, c'est sûr que si on aurait pioché un mec de la team TNA contre les Season 8, c'est un James Storm à Mr. Anderson, ça aurait eu beaucoup plus de gueule, c'est sûr. Ouais. Ah, c'est clair. Mais ils avaient aucune rivalité, c'est ça le problème. Putain, c'était naze. Bon, bref. Bon, bah alors, on passe justement au Little Lockdown. Mais... C'est moi qui... Non, mais c'est moi qui anime, Rusty. C'est bon. Faut driver, je te remets sur la bonne route. Là. Ah, allez, le Metal Lockdown, c'est le match le plus long de la soirée. Ça a duré 25 minutes et 2 secondes. Et les deux As de 8, oui, parce que moi je suis français, je dis deux As de 8, comme nos copains Grégory 10 et Seigneur Varini ont battu la team TNA. Nine, nine, kine. Non, excuse-moi, la team TNA a battu les deux As de 8. Ouais. Team TN est composé de Sting, le capitaine. Mais ouais. Arrête, tais-toi. Oh. Le mec, j'y crois pas. Sting, Magnus, Samoa Joe, James Storm et donc Eric Young ont battu Aces and Eight. Avec le capitaine Devon, Mr. Anderson, Mike Knox, Doc et Garrett Bischoff, mon idole. Non, mais c'était pas mal. Enfin, c'était un bon combat. Non, alors toi, t'as jamais vu Little Lockdown. C'est pas vrai. Parce que, non, la comparaison, ça le fait pas. C'était à chier. Ouais, non, mais... Il y a que la fin qui était sympa, quoi. Ah oui, l'elbow. L'elbow de la cage. King, ouais. Ah ben, attends, je vais revenir rapidement. Alors, la cage, Little Lockdown, d'habitude, bon, déjà, bon, les règles... Toutes les deux minutes, ça s'est respecté, il n'y a pas de problème. Un lutteur rentre, il y a une supériorité numérique d'une équipe, souvent par rapport à l'autre, jusqu'à ce que tout le monde soit rentré, voilà. Sauf que là, bah, ils ont fait venir Sting du supermarché un peu, là, qui revenait avec des poubelles et tout, parce que d'habitude, il y a un toit qui les sent aussi lors du Little Lockdown, avec tout plein d'objets qu'ils ramassent, quoi. Bah, là, non, il n'y avait pas de toit qui descendait. Je trouve que c'est un gros flop par rapport à la stip. Le pire, c'est que le toit était là, parce que j'ai vu pendant l'entrée de West Brisco, là, le match avant, quand ils font un plan en arrière et tu vois toute la salle, bah le toit y était. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils avaient un problème technique, ils ont pas pu. Oui, ils ont eu un problème. Ici. Ouais. J'ai lu ouais. Sur WrestleZone comme quoi ils avaient un problème pour niveau du haut de la cage, donc c'est ce qui aurait gêné. Ben ça a posé un gros problème quand même hein, après au match parce que ça a peut-être tué le match en fait. Ben oui, parce que ben c'est toujours un kiff de voir le truc qui descend et puis qu'ils sont enfermés dans la cage et voilà quoi. Bon. Sinon, je reviens rapidement dans le match. Il est hyper déséquilibré parce que bah, la team TNA domine énormément la team des Season 8. D'ailleurs, les Season 8, ils en prennent un grand coup dans la gueule. Bah, oui, mais c'est pas logique d'ailleurs par rapport à ce qui se passe après parce que bon, c'est le match qui était censé affirmer la suprématie d'un camp comme de l'autre. Donc, bon, team TNA victorieuse, la TNA quand même est. Voilà. Était censée être plus dominante, mais enfin bon. Ouais, c'est... Mais là aussi, la cohérence n'est pas terrible. Mais ouais. Bah, le seul kiff, moi, c'est Garrett Bischoff. Il en a pris un peu de la gueule, donc c'est pas mal. Une bonne superplexe. Là, il a volé loin, donc ça va. Par contre, très très déçu, parce que voilà, c'est ce que j'ai. Dans ce match, dans ce genre de match, on voit toujours un peu de sound, de physique et tout. Mais là, il n'y a pas eu ça une seule seconde. Alors. Imaginez. Voilà. C'était génial. Ça a duré 25 minutes et 2 secondes, je rappelle. Vincent. Ouais, qu'est-ce qui a été intéressant? Bischoff qui se fait enculer, le saut de Eric Young. Comment il parle? Ah bah écoute. Non, le saut de Eric Young était génial. Ah non, mais de toute façon, Eric Young était génial dans le match. Hein. À chaque fois, dans ses coups de coude, dans ses. Ah, mais de toute façon, Eric Young, il a un sacré bagage technique. Donc ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas frappé un homme? Oh putain. Oh, je longtemps. Me rappelle de bien qu'il était champion par équipe. Bah, là, c'est toujours le cas. C'est champion. Toujours le cas. Ah, il est toujours champion. Bah oui, parce qu'il ne défend jamais les ceintures. Donc, Ah, oh mon dieu. C'est comme Divonne et Santé Télévision que tu vois une fois tous les 36 du mois. Mais bon. Mon dieu. Non, mais sinon, ouais, Eric Young était pas mal. Samoa Joe était pas mal aussi. Mais le problème, c'est que bon, bah, le coup des objets, ça. Bon. Ouais, ok, tu fous un coup de kendo, un coup de poubelle, mais après, il y a quoi comme spot? Bon, il y a eu un ou deux spots, mais. Voilà quoi, c'était pour cacher la misère du match quoi. Et puis bon, comme t'as dit Broussy, les équipes hyper déséquilibrées. D'un côté t'as Samoa Joe, Jim Storm, Eric Young, Sting. Bon, il y a Magnus qui est un peu jeune, mais bon, c'est le seul de l'équipe. Et de l'autre côté t'as Garrett Bischoff, t'as Doc qui perd en 8 minutes à Impact. Bah, de l'autre côté t'as que des anciens WWE. Bah oui, mais bon, ils sont pas assimilés comme ça. Ah oui, mais WWE, ils ont fait quoi la TNA? Rien. Donc à part Devon et Anderson. Il y a quand même Mister Anderson qui était champion. Ah oui, bah ouais, mais c'est pas non plus un passé comme Jeff Hardy ou Kurt Angle quoi. Voilà. Je l'emmerde Jeff Hardy. Non, mais c'est pour dire voilà, c'est pas non plus hyper super pointure, même s'ils ont fait quelque chose à WWE, voilà. Ouais. Face à les Sting, des mecs hyper installés la TNA, il y a le symbole aussi de faire penser peut-être que la TNA voilà reste debout, je pense. C'est ça le but de la victoire. Mais bon. Ouais. Mais on en parlait déjà hein, dans le pré-lockdown d'ailleurs, on était très bon hein, en prévision. Bon, sinon ça m'a fait marrer quand Garrett Bischoff est rentré, qui jouait le gros dur en essayant de faire des coups de, bah, des coups de brawl avec Samoa Joe et Magnus. C'était marrant aussi quand le public a chanté You Can't Wrestle et que le mec était content. Mais sinon, ouais, misère quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que là, moi, Vincent, tu veux parler des Season 8, des entrées des Season 8 Moi je veux bien, mais il y a quoi à dire. Ouais, mais pourquoi... C'est toi qui m'as fait la remarque. Bon, d'accord, c'est moi qui vais le dire alors. Bah, disons que c'est un peu particulier parce que bah, toutes les deux minutes, donc il y avait un entrant de chaque camp. Ah oui, ils sont, tous, ils sont tous arrivés du public, non? Bah, non, même pas, de l'arrière, arrière, je sais pas quoi. Ah oui, de l'arrière-salle. Et ils venaient de loin, hein. En plus, ils faisaient tout le tour du ring, alors que bah, tout le tour de la cage aussi. Bah, du coup... Ouais, moi je trouvais ça plutôt sympa. Alors que en la fait, TNA, bah, ça oui, ils arrivaient directement de la rampe. Quoi. Bah, il ouais, y avait deux fois plus de chemin à faire. Quoi. Ouh, ça démarquait les deux équipes, ça. Bah, tu fais que je sais plus. Ah, c'est Divon, lui, il a pris son temps. Je vais parler de la rampe. Je vais parler de la TNA et de leur putain de rampe. Leur putain de rampe qui est collée au ring. Oui, c'est comme au Japon, en Mexique. C'est hyper dangereux. Bah non, c'est comme le Japon au Mexique. Franchement, c'est hyper dangereux. Il retombe mal, je suis désolé, le mec, il peut finir sa carrière. Bah, la WCW le faisait aussi, comme le dit Renaud, le spécialiste. Donc voilà, non, mais c'est pas ça le problème. Hein. La rampe, bah, moi, ça me gêne en fait. J'aime pas. Bah, de toute façon, là, il y avait la cage, donc. Bah oui, en plus, il y avait rien à voir à l'extérieur. D'habitude, des fois, ils font bon. Tour sur la cage, mais là, il n'y avait pas de toit. Donc, Ouais, bah, bref. Ouais. Sébastien, ouais. Vas-y Seb, tu peux y aller. Oh, je reviendrai très rapidement au match. Hein. Pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait trois périodes dans le combat. En fait. Et mais soupire pas trop non plus. Quoi. Vas-y, soupire pas trop. J'ai trouvé que la première partie était très bonne. Au moment où il y avait Magnus et Samoa Joe dans la ring. Je trouve qu'ils ont retrouvé l'alchimie qu'ils avaient quand ils étaient en équipe et ça donnait quelque chose d'intéressant. Ensuite, passage à vide jusqu'à l'entrée de Sting. Et dès que Sting est rentré, je trouvais que c'était assez divertissant avec la grosse bataille avec les objets, et notamment le fameux spot avec Eric Young. Pour moi, il y a trois phases dans ce combat. Ça reste du Little Lockdown, donc on ne va pas s'attendre à du catch 5 étoiles. Donc pour moi, ça reste assez positif parce que c'était ce à quoi je m'attendais en gros. Donc je suis assez positif. Un truc pas terrible, tu t'attendais. Ouais, enfin, disons que je n'étais pas déçu en tout cas, on va dire. De toute façon, match avec Garrett Bischoff. Hein. D'ailleurs, c'est son deuxième Little Lockdown, putain, déjà. Putain, l'année dernière, il avait gagné en plus, quoi. Ils auraient dû trucider, c'est pas possible. Je dis, cette stipule, elle est idéale pour trucider un gars d'habitude. C'est pour ça ils ont tenté, hein. ils ont tenté une Tower of London du haut de la cage avec Garrett Bischoff. Il s'est explosé au sol, c'était pas mal. Mais à ce coup-là, moi, j'y tous, le monde du catch mondial a souri quand il a vu cette image-là de Garrett Bischoff souffrir comme un connard. Ouais, mais il a pris une deuxième louchée en suivant. Alors... Oh. C'est pas bah grave, écoute, mais, non, mais tu vas en venir là. Bon, après ton bashing, on va parler du match qui suit. Non, mais il y aura un autre bashing après. Vous le savez, je suis obligé quand je suis ici, quand je suis à Impact Wrestle. Mais d'ailleurs, on va en parler maintenant, non? Parce que je pense que tout le monde a parlé sur le. Sur le létal lockdown, donc qui n'était pas terrible, terrible, comme on a pu vous le faire souligner. Ça a duré 16 minutes et 55 secondes, messieurs. C'était pour le TNA World Heavyweight Championship. Et putain, Bouliré, mec. Bouliré a battu le drogué. Oui, mais alors, attends. Non, Jeff Hardy, attends. Non, mais juste un truc. T'es surpris de la victoire de Bouliré? Franchement pas. Je m'y attendais complètement. Ah, j'ai peur. Ouais, tout le monde s'était couru. Ici aussi. Ici, d'ailleurs, on en avait parlé, on l'avait dit. Non, mais je suis tellement content de d'avoir vu Hardy. D'ailleurs, je me rappelle, la théorie de Sébastien, c'était exactement ça qui s'est passé. Eh oui. Non, c'est mais ça. Putain, ça fait plaisir de voir Jeff Hardy perdre, quoi. Vous pouvez pas savoir la procuration que ça de joie que ça me donne. Ah, c'est génial. Merci. Et en plus, je suis hyper content pour Bully Ray, quoi, parce qu'il mérite ce titre. C'est pas comme le drogué. Le turn de Bully Ray, en fait, on l'attend depuis Bound for Glory. Enfin, personnellement, chaque fois, je me disais, cette fois-ci, il va tourner. Non, et ça se repoussait. Et donc là, c'était évident que ça allait arriver le jour de lockdown, parce que tout était réuni pour que ça arrive. En tout cas, moi, je suis vraiment très heureux, parce qu'il le mérite, ouais, comme tu l'as dit. C'est peut-être le personnage le plus intéressant actuellement à la TNA. Je dirais même que c'est sûrement le cas. Et aussi, petite statistique que j'ai notée qui m'a impressionné, c'est le 8e champion du monde différent à la suite. C'est-à-dire que depuis les 8 derniers règnes, tu n'as pas eu deux fois le même champion. Ah, mais attends, il y a eu des règnes de 3 jours aussi, non? Bon. Le règne de Mister Anderson, il avait duré 5 jours, non? Non, à part James Storm qui a duré très peu, je crois. Ah oui, James Storm. Je veux donner les noms, c'est Mister Anderson, puis Sting, Kurt Angle, James Storm, Bobby Roode, Austin Harris, Jeff Hardy, Bully Ray. Oui. En plus, il y a eu des titres bien, des règnes bien longs. Hein. Bobby Roode le plus long de l'histoire. Jeff Hardy, Austin Harris aussi c'était long, donc ouais. Ouais, je suis assez content. Par contre, je ne parlerai pas du match tout simplement parce que je me suis endormi tellement. En même temps, il était quasi 4h du matin, non donc. Non, tout à l'heure, je me suis endormi en le regardant encore. Il était 6h du soir. Non, il était 20h du soir. C'était pas très tort, mais. Non, mais franchement, c'est. Respire un peu, peut-être t'as dû jouir parce que Jeff Hardy, il s'est pris tous les gros bumps alors. Ouais, grave. Non, mais. Le mec, il respire même plus long là-bas. Non, mais je vais. Non, mais faut vraiment que le Kogan, il aille faire des cours de comédie, quoi. Ah oui, ça c'est grotesque. Oh, bien sûr, bah, à partir du moment où il rentre, là il fait le tour du ring, là comme un vieux qui cherche son chien. Non, mais sans déconner, quoi. Comment ils vont la fin? Non, non, non, mais ta gueule, quoi, putain. Bah, il a été traité de bâtard, du coup, par Oh putain. Ah, non, mais c'est le moment de la soirée. C'est le moment de la soirée, old ça. Old Bastard, you c'est le bastard. Moment de la soirée. Ah, putain. Franchement, depuis dimanche, Brooke Hogan, elle a pris pour son grade aussi. Je l'ai regardé au moins 20 fois ce moment. Old Bastard. Oh, putain. Oh, putain. Ah, non, mais ça, c'est de la jouissance, oui. Alors, là, Brooke Hogan, Hulk Hogan, oh là là. Oh là là, non, mais sans déconner. Non, mais il faut vraiment qu'il aille prendre des cours d'acteur studio. C'est plus possible. Non, mais. Ouais, bah écoute. Non, mais t'as vu quand il annonce. T'as vu quand il annonce. Casey Knight? Oh, allez, mon frère, ouais, tu vas le faire, tu vas gagner. Mais Casey Knight! Mais ta gueule, putain! Parle pas, tu casses les couilles. Ah, mais il a été comme ça toute sa carrière, le Hogan, toujours dans putain. L'exagération. Ouais, non, mais c'est même plus de l'exagération, là, c'était mauvais. C'était nul. Manque pas de respect à Hogan, mais non, c'est pas manquer de respect, c'est lui qui nous manque de respect être aussi mauvais dans de la comédie comme ça. Bah, disons que lui, son statut à TNA aussi est assez curieux, parce que j'ai l'impression qu'il peut se faire virer du jour au lendemain. Je sais pas qu'est-ce qu'il tient d'ailleurs, mais c'est Hogan mais oui, parce qu'on parlait déjà lors du précédent podcast qu'il foutait un peu sur la gueule à Dixie dans une interview à Dixie Carter, donc mais il se sent assez mal à l'aise, j'ai l'impression, à TNA, même depuis son arrivée presque. Il a tout révolutionné, la TNA, quasiment. Ouais. Bon, au moins il y a une bonne idée là sous le règne, enfin sous le règne, oui. Mais depuis qu'il est là, c'est en gros, bah, ça coïncide bizarrement, même si c'est pas une de ses décisions directes, je pense. Mais ouais, Bouliré clairement qui est monté en solo et puis alors énorme. Pourtant, il a quand même beaucoup de sa carrière derrière lui, mais puis là, il a une maturité en solo absolument phénoménale. Hein. Ouais, super. Là, je vois Renaud qui le voyait déjà Main Eventer à l'époque. Enfin, qu'il aurait bien voulu voir Main Eventer à l'époque déjà, parce que ce mec est juste énorme et Il a respire du le talent. catch, catcheur énorme. Ouais. Ben voilà. Non, mais c'est vrai qu'en plus, il a les mimiques. Et puis, dans le scénario du match aussi, au moment, ben, le piège toujours avec les deux cons là, qui arrivent, là, Wes Brisco et Garrett Bischoff. Déjà remarquable, ils sont arrivés à escalader la cage. Non, mais ce que j'avais bien aimé aussi, c'est le coup des canettes. Ah non, ouais. Jusqu'à Ouais, écoute, attendez, attendez, alors, jusqu'à non, ce que non, j'ai non, appris. mais là, ils ont copié. Ils ont copié, en fait, c'est la ROH 11e anniversaire, le mois dernier. Il y a pareil, en fin de show, comme ça, il y a un clan là, qui a été révélé de Hill et le public, bah, lui, il balançait naturellement les canettes et bouteilles. Bah, la tienne a copié. Voilà. Et sauf qu'ils ont payé des gens pour ça. Enfin, payé. Ouais. Ils ont Ils ont un poussé à des balanceur, gens de le certains, faire. hein, parce que pour oui, balance au-dessus de la cage. Bon, certains, mais pas tous, c'est parce qu'il y en a d'autres après ils ont joué un geste. Donc, voilà. Voilà. Non, mais j'ai trouvé ça sympa, en fait. Remarque qu'il y en a qui ont eu des réactions. Là, j'ai vu aujourd'hui, il y a une vidéo qui tournait. Là, c'était ben, après le lockdown, là, à l'issue du match. D'ailleurs, Et j'ai rigolé parce qu'il y a Jeff Hardy qui se prend une canette dans la gueule au bout d'un moment. Oh. Bon, le pauvre, le mec, il a tout pris dans le match. Peut-être il était là que pour ça, j'ai l'impression même. Et puis, à l'arrivée, il se prend un coup de marteau pour se faire récompenser. Ben, bravo. Hein. Jeff Hardy, J'ai adoré. il s'est blessé d'ailleurs pendant le match, apparemment. Il a reçu Ouais, un ça coup à s'est la vu à un moment. tête. Ça se voit à un moment qu'il était complètement KO. Ouais, c'était Bien fait pour sa gueule. Et d'ailleurs, à l'impact suivant, on l'a pas vu de la soirée. Il est apparu 30 secondes à la fin, hein, c'est tout. Et pourtant, c'était l'ancien champion du monde poids lourd, donc c'est assez surprenant. Ben oui. Mais ça obéit presque à ta logique là que tu as dit tout à l'heure, enfin à la logique de la TNA plutôt, qui n'arrête pas de tourner comme champion. Donc je suis assez curieux. Est-ce qu'il y aura un neuvième champion après Bully Ray qui aura un règne de toute façon absolument énorme jusqu'à son anniversaire au moins? Donc c'est à voir. Ouais. Non mais j'ai kiffé. Non mais Super après, ouais, moment. non, mais Super moment. le retour de Bully Ray en heel, bah c'est absolument parfait quoi. Et puis il surprend un peu parce que je pensais pas qu'il s'annoncerait président des Six Ouais, du coup, il s'est annoncé président de Season 8. J'ai pensé que ça serait Leader, Jarrett quoi. Jarrett ou Eric Bischoff, mais non, non, très bien. Non, c'est bien. Bah, que ce soit un catcheur Président. déjà actif, c'est bien. Ouais. Et puis Laurent, Président des donc, est Season le 8. vice-président. Voilà. Bah, tout le monde est démasqué maintenant. Voilà. Superbe. Bon, en tout cas, ça relance clairement le clan SSN Ace, hein, clairement. Bah, en Il y avait plus, aucune. attends, juste avant, il en prend un coup dans la gueule, mais énorme. Hein. Non, mais c'est génial. Je suis super content pour Boulier. Super content. Je vais pas faire mon fort, mais il y a un an, j'avais annoncé qu'il allait devenir un jour champion poids lourd à la TNA. C'est arrivé. Hein. Alors que vous aviez tous dit, non, mais vous lirez les bons en heel, mais il sera jamais champion poids Oh, lourd. Toto, Sébastien, on a émis cette possibilité qu'on aurait aimé le voir aussi. Et après, bon, Oui, de aimé, voir. mais que c'était pas possible. Entre vouloir et que ça soit possible, écoute, ouais. Mais après, les désidératas de la TNA, bah, avec un catcheur comme ça, comme lui, il fallait voir jusqu'où il voulait aller. Bah, c'est très bien. Ça va aller encore plus loin, là. Sinon, pour parler du match, il est bon, quoi, mais c'est dommage qu'il y ait toute cette histoire qui nous casse les pieds, quoi. Enfin, ce qui est le problème aussi avec la TNA, c'est que quand ils ont une rivalité, généralement, ils en font des tas. Et ben, quand elle est bonne, c'est super, mais quand elle est mauvaise, comme là, bah, forcément, ça prend tout le show. Ils n'ont pas le temps de développer les autres rivalités, et puis voilà, quoi, ça ne donne pas des shows super. Voilà, à part Sigus, je vais encore jouir sur les matchs. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Merde, voilà. J'emmerde Jeff Hardy. Non, mais c'était génial, quoi. Jeff Hardy perdre, c'est. Vous imaginez même pas la joie que Ouais, ça m'a procuré, quoi. mais attends, attends. Bonne for Glory, t'avais reconnu qu'il avait été très très bon. Hein. Faut aussi un peu Ouais, mais reconnaître. n'empêche que j'étais dégoûté parce qu'il avait gagné, quoi. Ben Excuse-moi. oui. Est-ce que. Attends, alors, je vais remettre quand même les choses dans son contexte. Est-ce que j'ai déjà dit que Jeff Hardy avait un talent in-ring pourri? Non, non, non, mais Voilà. bon. C'est un type qui a beaucoup de talent, ça je suis d'accord. Mais il a montré une image de lui que je peux pas lui pardonner. C'est comme ça. Je changerai pas d'avis. C'est un type qui mérite pas le respect qui mérite pas le respect qu'il a actuellement. Vu comment il s'est foutu de la gueule des fans. On va pas partir dans ces débats-là. C'est le débat éternel. Il a quand même présenté les excuses publiques et tout. Donc je m'en bats les couilles. Ça suffit. Il doit pas avoir une très grande estime pour Scott Hall alors. Non. Scott Steiner non plus. Non mais putain. Et Rey Mysterio et Randy Orton alors. Non mais est-ce qu'ils se sont foutus de la gueule du public? Non, pas directement, mais bon, ils en prennent pas mal. Puis Evan Bourne, le favori de Kevin, là, la Marie-Jeanne. Ouais. Ouais. Ça, c'était ma vanne. Non. Mais ouais, non, mais comme il dit encore Renault là sur le chat, bah, dans les années 90, ils étaient pas mal dopés, ouais, tout ça. Non, mais ça se voyait leur carrure. Héroïde, bonjour, au revoir, quoi. Ça se voyait leur carrure. Non, les mais c'était génial de voir Jeff Hardy perdre, quoi. Ouais. Bref, bon messieurs, je propose qu'on passe aux notes. Oui. Qui c'est qui peut faire la moyenne, s'il vous plaît? J'ai pas de calculatrice sous la main. Oh, ça va sur 4, on va s'en sortir. Hein. Oui. Bon, vas-y, tu feras ça, Broussy. Oui, merci. Tu vois, c'est dur. Hein. Oui, oui, je vais la faire. Bon, attends, allez, je vais prendre la calculatrice. Bon. Bon, j'en ai une. Tu peux pas le dire plus tôt. Bon, vas-y. Allez, ta note, Seb. Alors, moi, je vais mettre. Je vais mettre un 6 parce que la première partie du pay-per-view n'est clairement pas à la hauteur. Mais après, la deuxième partie me convient. Je pense notamment au match par équipe qui est pas mal. Le Little Lockdown, moi qui ne m'a pas déçu. Notamment le main event avec la grosse fin tant attendue qui m'a fait vraiment plaisir. Donc un pay-per-view bien, on peut faire mieux. Mais pas un catastrophique, donc un 6. Brousty. 3 sur 10, et encore, je suis un poil généreux, je trouve. Parce que ben, moi, désolé Sébastien, mais il faut prendre en compte que Lockdown, c'est le deuxième pay-per-view par importance de l'année. Et surtout que cette année, il n'y a que 4 pay-per-view. Donc, il faut être un peu à la hauteur. Je trouve que la TNA n'a pas été à la hauteur. Elle n'a pas mis les meilleurs matchs possibles la plupart du temps. À part le main event et le match par équipe et le match de X Division, elle n'a jamais mis les meilleurs lutteurs sinon dans le même match. C'est ça qui m'a ennuyé. Donc, du coup, ça fait une qualité très disparate et beaucoup d'écarts de niveau. Et je trouve que c'est pas possible pour. Et en plus, la prochaine fois, c'est en juin le prochain quand même. Il faut imaginer que les gens ils vont rester à l'image de Lockdown jusqu'en juin. Donc, ouais, c'est terrible. Enfin, voilà pourquoi j'ai regardé le One Night Only. Quoi. C'est vraiment ça qui me gêne. Hein. C'est pas leur faute, ça va, moment. Oh. Mais c'est ouais. La faute à qui alors? Ta note. Mais je dois avoir la note à Vincent. Moi je vais mettre la même que Broussy, 3. Parce que le Little Lockdown est quelconque, le main event est super attendu et voilà. Et puis bah, la première heure est super chiante quoi. J'ai failli pas regarder la deuxième heure, enfin le reste quoi. Oh. Alors moi si je m'écouterais. Je mettrai un 10 parce que Jeff Hardy a perdu. Mais je vais mettre 2, on va être raisonnable. Pour être raisonnable. J'ai bien été noté ces temps-ci. Ouais, attends, parce que j'ai toujours pas dépassé 2 sur 10 cette année. J'ai fait 3 notes, je vais vous dire. Ça va être chaud. Ouais. Je vais vous faire un récapitulatif de mes notes. Hein. J'ai mis 10 à TLC récemment pour la WWE. J'ai mis 1 en Royal Rumble. C'est passé des deux extrémités quand même. J'ai mis 2 à Elimination Chamber. Tu peux comprendre que je peux pas mettre 3 à Lockdown quoi. Attends, c'est normal que je mette un 2, c'était pourri quoi. Il faut suivre les logiques de mes notes quoi. Non mais c'est mauvais, c'était nul à chier. Le résultat par équipe et la défaite de Jeff Hardy sauvent le pay-per-view quoi. Mais pourtant, t'as vu ton chouchou deux fois à l'écran, ça va. Et Garrett Bischoff, il est intervenu dans le main event en plus. Oh merde, justement. Justement, j'ai baissé ma note à 1. Non, je reste à 2, mais non, c'était clairement pas bon, quoi. Surtout que la TNA a que 4 pay-per-view dans l'année, ils ont pas le droit de donner un tel niveau, quoi. C'était pas bon. Non, c'était nul. C'était nul. La moyenne. La moyenne, s'il te plaît, Sébastien. Alors, je n'ai pas réussi à sauver la moyenne, vu que la moyenne est d'un 3,5. 3,5 sur 20. C'est beaucoup trop. Enfin, sur 10. C'est déjà pas mal, oui. C'est beaucoup trop. Bah ouais, très décevant, c'est l'anniversaire, il va falloir un peu se remettre. Bon, voilà, un peu surpris de la note. Moi, je pensais pas que c'était si catastrophique. Peut-être que j'avais une autre vision que vous sur ce coup-là. MP sort de ce corps. Ouais, ça doit être ça. Bon, mais on va pouvoir passer au premier, vu que le présentateur était occupé à écrire. Là, pour l'instant, on va passer au dernier impact, donc le premier ouais, sur la route à Chicago. Je vais quand même faire un petit jingle parce qu'on va pas de suite passer ça comme ça. On va faire un petit jingle et on va se retrouver juste après pour parler d'impact avec Sébastien, Broussi et Vincent. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, Sébastien. Tu vas pouvoir nous parler donc de Impact. En plus, c'est tout chaud. Toi, tu viens juste de finir d'en regarder, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Posez-moi des questions, ou je ne sais pas. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Alors, il y a beaucoup de choses, hein. Qu'est-ce que je vais essayer de faire un petit peu dans l'ordre? Alors, début du show, déjà, tu as un match pour les ceintures par équipe qui est programmé. Donc, déjà, surprise, tu vois Chavo Guerrero et Hernandez qui sont en train d'arriver vers le ring. Mais à la surprise générale, il y a les Aces and Eights qui viennent et qui défoncent Hernandez et Chavo Guerrero et qui disent maintenant c'est notre moment, on fait ce qu'on veut. Et donc ils sont partis dans une explication avec Bully Ray qui a été présenté donc comme le chef de ce clan. Et donc ça a duré comme ça pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que les Aces and Eights défient Hulk Hogan pour la fin de la soirée. Il leur dit viens, est-ce que tu oseras nous virer ou est-ce que tu seras lâche ou quelque Ah, chose mais comme c'est vrai ça. qu'il est général manager, lui, j'ai oublié. Puisque Hulk Hogan, oui, est général manager. J'avais oublié ça. Eh oui. Non, mais Putain, c'est un triste. segment d'entrée hyper logique. De toute façon, on a Oui, le lockdown, moi, j'attendais pas mieux. Hein. Bon, ça c'est après, pour normal. Chavo Hernandez, ils ont rien demandé, ils ont été mérités en lockdown, voilà, ils sont récompensés. Quoi, ils ont perdu, c'est ça? Mais non, ils ont été défoncés, attends. Ah! T'as pas suivi ou quoi? Ils se sont fait défoncer en rentrant. Ah oui, mais oui, non, excuse-moi, j'étais en train d'écrire. Mon Ouais, cerveau ne peut pas écrire et écouter en même temps, je suis désolé, Sébastien. ouais. Bon, sinon, il y a eu 4 matchs ouais, lors du show, mais voilà, bah, l'emprise totale des Aces and Eights, ouais, évidemment. Et en plus, j'ai la vue sur mon super calendrier avec la meuf à poil. Bah, ils aiment la bière en plus. Vincent doit aimer ça, ils aiment la bière. Alcoolique. Oui, faut en... Hashtag alcoolique. En même temps, c'est pour ça que j'aimais les Seasonates. Moi, Ah, j'aime bien l'idée quand même du clan des Seasonates. bon, c'est un peu pompé par rapport à la série Sons of Anarchy. Tu vas y arriver à parler un jour, t'inquiète. Sons Tu y... of Anarchy, voilà. Alors, je vais le dire. Sons of Anarchy, c'était tout simple. Voilà. T'as Ah du mal dans ton élocution quand même ce soir. c'est Putain. clair. Bah, la bière, ça aide pas. Hein. Après avoir eu du mal à dire disqualification, maintenant c'est Sons of Anarchy que t'as du mal à dire. Bravo Vincent, super. Vincent est bourré ce soir, d'après Renaud sur le chat. Je pense que c'est vrai. J'y confirme. Voilà. Putain. Non, mais la suite, Sébastien. S'il y Non, a autre chose. mais si vous le voulez. match, il va faire sortir vers Pat son terrier, là. Si vous voulez, je vais vous dire globalement, en fait, le show sert James? surtout. Enfin, oui, pour rebondir sur le truc de Broussi, donc c'était un match féminin avec Velvet Sky et Mickie James qui a fait son retour tant attendu contre l'équipe de Tara et de Gail Kim. C'est ça, Et oui. sachant que Tara était à domicile pour ce soir-là et ça ne s'est pas du tout entendu puisque la foule ne la supportait clairement pas. Donc la victoire a été obtenue par Velvet Sky qui a fait le tomber sur Tara justement sur la locale. Et bien entendu, on a eu la suite de la rivalité entre Gail Kim et Taryn Terrell qui se sont de Il était nouveau en mis des probation. claques. Ouais, et Taryn Terrell ouais, qui est sous probation d'ailleurs. Donc là, à mon avis, bah, virer la semaine prochaine est bien fait. Allez, on va. Ah, sur l'avenir pouvait être pareil. Réaction de Verpa sur Mickie James? Apparemment, elle devait sortir un nouveau single, je crois. Merci. C'est pour ça qu'elle avait pris une pause, non? C'est pas faux. Ah oui, en plus, c'est vrai, ouais. C'est vrai. En plus, je crois qu'on peut demander. Mais entre autres, elle avait. Je crois que Tifo a acheté le single, donc il faudra qu'on demande aux spécialistes. Tifo a acheté le single? Ah ouais, j'ai des scoops. Hein. Ah, il aime la musique country. Il a acheté le single de Mickey James? Putain, ouais. Il perd toute crédibilité là. Il a acheté le single de Mickey James? Bah déjà qu'il il a dépensé. Attends, excuse-moi, il a dépensé de l'argent pour un tel CD. Il a au moins dépensé de la bande passante après. Il écoute Mickey James. Tifo. Il regarde Plus belle la vie, comme le dit Rappel Renault. Et Tifo, mais mon Dieu, sans déconner. Plus belle la vie, Tifo, écoute. En plus, il est pour le FC Nantes, quoi. Putain. Non, ça, c'est très bien. Non, mais. Il nous l'a pas dit, ça, qu'il avait été cher, qu'il avait écouté. Oh non. Ça sera l'info d'Impact du jeu. Ah sinon je voulais le ressenti de Sébastien par rapport à l'ambiance parce qu'on a eu il y a un moment la Tienne était partie brièvement sur la route à un moment on se rappelle à l'époque de Tchoff beaucoup d'ambiance pendant que tous là ils jouaient avec cet outil mais j'ai coupé le micro tu as ressenti comment l'ambiance à Chicago parce que c'est quand même un show public d'habitude. Bah non, clairement il y a une différence c'est le jour et la nuit entre le public de Chicago et le public de l'Impact Zone hein. Il y a même pas photo c'est clairement tu ressens en fait que les catcheurs qui arrivent dans le ring prennent une importance beaucoup plus grande au vu des réactions dont ils font l'objet. Hein. Je te coupe. Hein. D'ailleurs, ça pourrait être très bénéfique pour la popularité de la TNA. Hein. Ah ouais, clairement. Rien que quand tu vois la salle visuellement, c'était vraiment, vraiment très beau. Tu as l'impression que la salle est très grande, qu'elle est remplie. Non, vraiment, c'est visuellement en tout cas, et au niveau de l'ambiance, il n'y a que des points positifs à retenir. J'ai lu qu'ils ont fait 6000 à Chicago, donc s'ils ont bien fait 7000 le dimanche, ça fait pas grand chose de différence par rapport au pay-per-view. Hein. Ouais. En même temps, ils sont allés taper aussi Chicago, je crois que c'était le lieu, je crois, de leur plus grosse affluence aussi, à Bound for Glory 2008. Donc, et non 2009, comme j'avais dit lors du précédent podcast. Et voilà, ben, y a quand même un truc d'importance aussi lors de. Alors que au revoir, Verpa. Je suis ouvert pas. Mais je pense qu'avec Sébastien, je pense qu'on va parler du retour de Jay Styles. Ah, enfin. Eh oui, le retour tant attendu de Jay Styles, qui est je le veux. Très attendu également par le public. Excuse-moi, Seb, après tu peux y aller. Je le veux, putain, je le veux pour affronter Bully Ray pour le titre. Vu son personnage, je sais pas encore. Hein. Ah, il est ouais. La merde. Bah en fait, il est intervenu dès la fin du combat parce qu'il y avait un combat entre James Storm et Christopher Daniels. Donc James Storm a gagné le combat et à la fin de cet affrontement, AJ Styles a fait son entrée et il a frappé Daniels et Kaz qui se sont barrés. Et après, la surprise générale, il a frappé James Storm et après il s'est barré comme si rien n'était. Donc clairement, c'est un personnage qui devient ambigu. On ne sait pas trop quelle direction il va prendre. Il face, on a l'impression qu'il va faire en fait ce qu'il veut. Pourquoi pas? Ben oui, mais surtout qu'il a frappé un peu tout le monde, effectivement. Oui, Daniels, Kazarian, James Storm. Mais il a fait un retour un peu à la Chris Jericho en fait. En début d'année, Chris Jericho qui était revenu comme ça sans parler, AJ Styles, il a fait un peu comme ça. Il a laissé les autres parler à sa place et puis hop, il a fait le geste après. Ben, lui, il a répondu par le geste. Bah c'est pas plus mal parce que son personnage, bah, c'est pas un adepte non plus du mix kill, donc c'est pas plus mal qu'il s'exprime comme ça. Et puis la rivalité est courue, de toute façon, c'est anniversaire, on a déjà le match annoncé, AJ Styles, James Storm, et puis voilà. Ben ouais. Maintenant, il y a tout un build-up à faire parce que c'est en juin, ça. Mais... Mon Dieu. Bon, ils ont le temps de le faire, hein. Ils peuvent faire quelque chose d'intéressant. Hein. Ça m'emmerde que ça va durer tant de temps, quoi. Putain. On devrait attendre 4 mois. Justement, c'est non, bien. 3 mois, pardon. 3 mois. Mais non, non, justement, c'est pas bien. Et ils peuvent... Mais si, dans l'intervalle, ils peuvent commencer aussi à instaurer, parce que ça faisait le sel de certains impacts. On se souvient de certaines séries de matchs, meilleur des 5 matchs, par exemple, ce genre. Mais moi, j'aimerais un retour de match comme ça, quoi. Ça donnait de bons trucs. Puis ça peut faire des rivalités exacerbées sur plusieurs semaines, donc. Donc voilà. Bon, après, pendant le show, il y a aussi Austin Harris, on en parlait tout à l'heure, il est quand même très bien vu parce que C'est quand même lui qui vient un petit peu, bah, un petit peu provoquer Sting, qui s'est fait envoyer bouler par Hulk Hogan. Si vous voulez quand même que Hulk Hogan bah, ait trouvé une solution pour régler le cas des Aces and Eights, enfin, comme ce n'était pas possible là, actuellement. Puis Austin Harris, c'est qu'il a un petit peu branché après. Bon, il était avec Bobby Roode et puis bon, il s'est dit, allez Bobby Roode, bah, lui, il serait très content d'affronter, mais sauf que Bobby Roode, entre-temps, il s'est barré. Donc, ouais. Le main event était tout trouvé, avec la fin prévisible, évidemment. Sting, Jeff Hardy, Sting Austin Harris, pardon, excusez-moi. Ah. Puis évidemment, les Aces and Eights qui viennent le défoncer. Et au passage, quand même, j'ai jamais vu. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un match aussi bon qui impliquait Sting. Hein, donc, si vous avez l'occasion de le voir. Non, mais la preuve que. Ouais, mais la preuve que Austin Harris, il est un peu de la caste, ses catcheurs, comme on voit Daniel Bryan ou autre à WWE, Samoa Joe aussi à TNA, bah, à WG Styles, bah, le mec, il a n'importe qui en face, il le rend bon. C'est ça. Enfin, Cesaro aussi à WWE, par exemple. Bah. Donc voilà. Bon, et puis à l'arrivée, bah, ça part, ça finit en suprématie des Aces and Eights complète, quoi. Clairement, l'objectif du show d'hier soir, c'était de montrer que Aces and Eights est véritablement dominant sur la TNA, et je pense que ils ont réussi à faire ça parce que du début à la fin, tu les ressens qu'ils sont vraiment dominants, qu'ils ont un impact sur le show et qu'ils peuvent faire quelque chose. Donc je suis content de ce côté-là, ils ont réussi à vraiment rebooster le clan et ils en avaient terriblement besoin. Ah oui, puis là ça lance une story qui va faire l'été, ça c'est garanti, parce qu'en plus là, à la fin du show avec tous les lutteurs qui arrivent et puis qui s'en font tous défoncer. Et puis à l'arrivée, bah, Bully Ray qui interpelle Hulk Hogan en lui disant ah, maintenant qu'est-ce que tu vas faire. Ah, il y a encore des bonnes surprises. Ouais. Sébastien, je suis étonné, tu n'as pas parlé des matchs entre les deux Robbie, ni de la perspective, ni du fabuleux segment de Joseph Park. Et... Ils s'en foutent, non? Les matchs à venir à Hulk Hogan. Tout simplement parce qu'on s'en fout. C'est pas faux. Mais globalement, le ressenti de ce show, alors Globalement, moi je suis vraiment satisfait du contenu. Il n'y a pas à dire face au show que tu as dans l'Impact Zone. Tu as l'impression de voir une autre émission. Tu te dis que putain, ça c'est pas de la TNA, c'est autre chose. C'est plus professionnel, c'est visuellement c'est plus beau. L'ambiance n'a rien à voir. Enfin, non, clairement, tu as l'impression que c'est de voir un show qui a été qui fait un bond dans le futur par rapport à ce que tu avais précédemment. Hein. Et surprenamment, j'ai les chiffres sous les yeux des audiences de l'émission. Je pense que les officiels vont être déçus parce que le show a fait moins bien que la semaine précédente. Elle a fait 1.07 cette semaine et 1.13 la semaine dernière. Ce qui représente 1,14 million de personnes devant leur écran. Mais est-ce qu'il y a eu des déçus peut-être aussi de lockdown, hein, du coup, ouais, peut-être. C'est fort possible, hein, je sais pas. Il y a peut-être une forte population de fans de Jeff Hardy qui ont été déçus. C'est ce que j'allais dire. Non, c'est possible en plus, parce que mine de rien, tu clashes Gus, mais Jeff Hardy, c'est quand même. Oui, mais c'est ça qui m'énerve. Un mec important, parce que le mec, ça se voit au rating, et quand il apparaît en tête d'affiche, souvent les ratings sont plus élevés. Donc, c'est ça qui m'énerve. Mais écoute, à vous la popularité, il reviendra à WWE, ça serait le roi, quoi. Oh putain. Mais c'est pas encore, ça va, il est atteint jusqu'en 2015. Mais tant mieux qu'il y reste. Mais non, mais après, je sais pas, la pérennité de ces shows, la prochaine fois c'est en Oklahoma, je crois. Mais la pérennité, il faut faire gaffe parce que ça coûte du pognon. Mais la TNA, elle, le pognon, bah, elle le rattrape d'un autre côté en payant moins ses catcheurs. Et ça, par contre, attention, parce que ça fait une mauvaise ambiance dans le vestiaire. Je trouve. Ouais. C'est vrai, parce que les catcheurs, comme ils font. Il y a deux enregistrements, en fait, dans une soirée. Un qui est diffusé en live et un show qui est enregistré plus tard dans la soirée pour la semaine d'après. Et donc, ça fait qu'il n'y a qu'une seule paye pour les catcheurs qui combattent deux fois dans la même soirée. Donc, c'est, de ce côté-là, ils perdent de l'argent et ça crée des tensions dans les vestiaires, on va dire. C'est moyen, ouais. Mais bon mais en attendant, moi, ils continuent dans les grandes villes là, parce que sa anniversaire, ça a été annoncé à Boston, non, je crois. C'est ça, ouais. Ouais, donc voilà, bah, ils visent bien le Nord-Est aussi. Hein. Bah, ils ont bien vu là où il y a du public. Hein, pour le cas. En même temps, ils vont pas aller là où la WWE fait des bides. Ils vont pas aller à la Nouvelle-Orléans. Hein. Ça te marquera à vie. Hein. Ah, non, et puis l'année prochaine, c'est WrestleMania. Ouais, non, mais WrestleMania, c'est différent. Ouais, c'est à part, c'est vrai. Même si plus naturellement, WrestleMania du côté de New York, bah, il y aura beaucoup plus de résonance que du côté de Miami, par exemple. Ben oui, forcément, parce que la salle est fermée. Non. Ben si. Ben, c'est la région de New York cette année, WrestleMania. Enfin bref. Il est pas fermé le stade? Bah non, c'est un ciel ouvert évidemment. Ah, je croyais que c'était fermé. Ah, ben, autant pour C'est moi. le stade des New York Mets. Ah L'équipe bon. nulle d'ailleurs de baseball. Enfin bref. Bref. Oui. Vas-y. Non mais c'est bon, c'était pour dire que c'était fini. Normalement. Ah En fait, je sais pas s'il y a un mot que Vincent va rajouter ou Sébastien, mais. non, non. Ah bah oui, ciel ouvert. Moi, j'ai rien à ajouter non plus. Ciel ouvert, ben ouais. Voilà, c'était le dernier mot du podcast. Bon, bah écoutez, messieurs. Partenaire. Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Bah oui, je le fais à chaque fois, oui. Allez, moi je prépare. Qu'est-ce que tu nous as posté, Seb? Bah, Ah, c'est c'est l'évolution l'audience au fur et à détaillée mesure. du Ah! dernier impact. Ah oui. Ah, mais que Sting Harris s'est cartonné alors que la partie knockout, alors ça c'est très surprenant, est la plus faible, c'est incroyable ça. Alors que ben, d'habitude c'est la plus forte, c'est historiquement la C'est plus ça. forte. Sérieux? Ben ouais, Ouais, comme c'est quoi ça. les temps changent et, Ah bon. Alors, bien évidemment, nous allons remercier nos copains de la Wrestling Evolution League. Instant Catch, messieurs, vous avez commenté quoi là, ces derniers temps? Oh bah déjà là, bah t'en as parlé tout à l'heure, bah tout récemment là, bah pas plus tard que ce vendredi là, le jour où on enregistre, est sorti l'épisode 43 donc consacré au match par équipe qu'on a bien aimé, donc qui opposait Chavo Guerrero et Hernandez à Bobby Roode, Austin Harris et à Bad Influence. Donc voilà, on le commente. Et Allez sinon, Vincent. je crois qu'on peut faire l'annonce maintenant que c'est quasiment fait. La semaine précédente à WrestleMania, donc du 1er au 7 avril, on fera une semaine d'instant catch avec que des, enfin, un match tous les jours, un match de WrestleMania tous les jours. Ouais, de toute époque, beaucoup de catcheurs différents des légendes. Voilà. Pour répéter donc nos partenaires, on va remercier nos copains de FM Lutte qui nous écoutent souvent, on les remercie. Vox Catch, donc la Wrestling Evolution Ah, League. Voxcatch, 2 secondes. Voxcatch, j'ai fait la review de écrite Lockdown aussi. Ah oui, donc à lire également. Donc je répète la Wrestling Evolution League, ça fait juste 3 fois que je le dis. Twitter, Facebook, allez aimer la page Facebook de Wrestling Radio. On est également sur YouTube, sur iTunes, donc Instant Catch, Catch Asylum et Central Pop Rock. Révolte. Révolte. Oui, ça Ah va être oui, stylé. Révolte. Nouvelle Hein? radio de Kevin. Ah oui, Révolte. Oui, c'est vrai que ça s'appelle comme ça maintenant. Faudra qu'on change sur le truc. Mais écoutez, messieurs, nos Twitter, on va pouvoir s'en aller. Oui. Sébastien qui tweet quasiment jamais. Eh oui, je ne tweete quasiment jamais, mais il faut quand même me suivre. C'est Rick Alevi 67. Facile à retenir en plus. Comme les jeans Rick Lewis, c'est avec un 67 à la fin. Ouais, je vous raconterai un jour pourquoi j'ai pris ce pseudo. C'est une histoire ridicule, hein. Vous saurez peut-être. Tu peux le dire maintenant, C'est vas-y. comme le film là des nanas avec le jean. Ben en fait, je cherchais tout simplement un pseudo pour aller sur le forum. Je ne savais pas quoi mettre. Je regarde autour de moi et à la télé, il y avait une pub Rick Lewis. Alors j'ai pris Rick Lewis et j'ai ajouté mon numéro de département, ce qui Bravo. forme Rick Lewis 67. C'est très pourri, mais C'est clair. Oh putain. c'est ça. Mon Dieu. Twitter, Vincent, Finland pour vous aussi, ça? Oui, parce que t'avais du bol, dis donc, pour la pub. Hein. Ça aurait pu être n'importe quoi. Hein. Ouais, c'est ça. 1067. Ah, faut dire 3 marques. Merde. Nestlé, Nesquik, Côte d'Or. Voilà. Lind. Mon Dieu. Vincent. Ouais, tu vas sans. Voiture, Vincent, ou voiture? Parce Watcho. qu'attention. Watcho. Ah, putain. W A Comme le deux T I wagon. A X. Et quant à moi, c'est Spartagus, tout simplement, messieurs. Non, mais écoutez, je propose qu'on se quitte. Tire du 8 Gus, parce qu'il y en a un qui s'appelle Spartagus. Ouais, il tweet C'est jamais pas en le plus. même. C'est tweet jamais, ouais. C'est n'importe quoi. Arnaque. Quant à moi, je vais aller voir le dernier tweet de Sébastien pour voir ce qu'il dit. Bah, dernièrement, il parlait surtout à Taryn Terrell, donc. Ah. Ouais. Ah là là. Alors, Zack Qu'est-ce que je dis? Ryder, Song on Ryder like. Ah oui. Ah oui, Non, sur YouTube. C'était c'est un il y groupe a qui a 23 h. fait une chanson. C'est une groupe qui un groupe qui a fait une chanson sur Zack Ryder et je lui ai tweeté. Est-ce que Seigneur Verini t'a répondu le 12 mars? Non, je ne crois Non, pas. t'as pas répondu. Je m'en fous, j'ai eu la réponse de Taryn Terrell, donc le reste, je m'en fous. Moi, j'ai eu la réponse de qui, attends, il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps, si, il y a un petit moment. Non, mais c'était dans l'année, c'était. Attends. Comment il s'appelle l'annonceur, là? Jérémy Jérémy Bourrache. Bourrache. Ouais. Agus, oui, d'accord. Il m'a tweeté. Ah J'ai oui. kiffé. Sinon, il y a quelques annonces à faire, donc. Pouvez voir une super photo de Sébastien avec Christophe Ajus aussi, sur Postel Ah 9. oui, effectivement. Oui. Et Bon, tu. mais enfin. On va en parler en off. Allez, bon, c'était. Mais il y a quand même quelques petits trucs à annoncer prochainement, non? Oui, donc Vintage Wrestles Radio, donc la semaine prochaine sur WrestleMania 19. Une semaine donc avant WrestleMania 29, Sunday Night Wrestles, spécial WrestleMania, donc on va élaborer un peu la carte, on va faire nos pronostics. Et bien évidemment la semaine d'après WrestleMania, donc la semaine qui suit WrestleMania, le podcast sur la Il y review. aura du lourd, hein, on vous en dit pas plus. Alors, on vous dit rien, on attend que tout soit officialisé par les personnes qu'on a invitées. Et c'est vrai qu'on espère avoir, on espère faire pour vous le meilleur podcast pour WrestleMania 29. Déjà que j'ai bien peur qu'on va le casser, le WrestleMania. Alors, on verra, mais on vous prépare du lourd, messieurs. Écoutez, on se retrouvera donc très vite dès la semaine prochaine pour Vintage Wrestling Radio. Pendant ce temps-là, à bientôt. Ciao, salut à tous. À bientôt, bonne nuit. Enfin, pas l'après-midi. Bonne journée, si vous êtes le matin. Allez, ciao.